Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans la Red Argus Sport sur Arc-en-Ciel. Ravi de vous retrouver. 20h37, nous sommes le lundi 2 mars. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. On va être ensemble jusqu'à 22h30. Peut-être un peu plus ce soir, puisqu'il y a beaucoup de choses encore au programme. On va accueillir ce soir, non pas un, non pas deux, mais trois chroniqueurs. C'est fou ce soir, il va y avoir du débat. Puisqu'on va accueillir. Alors, un ancien. Alors, tu as l'antenne. Ouais. Alors, on lui explique. C'est pas le bon micro, par contre, pour notre ami Alexandre. Ah, c'est pas le bon micro, hein, on va refaire. Voilà. Et on salue Manu qui nous quitte, qui quitte le studio et qu'on retrouvera, vous retrouverez la semaine prochaine, bien sûr, dans The Rocks. Puisqu'on va accueillir, réaccueillir Jérémy, revenant. Ah, oh là là. Parmi les revenants. Eh oui, ça, on vient, bah, je suis venu pour l'anniversaire de nos 15 ans. Exactement, c'était il y a deux jours. Il y a trois jours, ouais, 28 février. Ouais, ouais. Voilà. Incroyable. Incroyable, 15 ans. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu l'anniversaire ce soir. Hein. C'est ça. Donc, c'est la petite fête. Et ouais. Eh bien, on va accueillir un nouveau chroniqueur qui va venir se tester ce soir. J'aurais rajouté un G, moi, à chroniqueur. Ouais. C'est Alex qui nous rejoint ce soir et qui va débriefer avec nous tout ce qui s'est passé cette semaine. Salut Alex. Salut à tous. Ravi de t'accueillir. Eh ben merci, surtout pour l'accueil. Bah écoute, pas de pression ce soir, on est entre nous. On y va, c'est parti. Plein de choses ce soir encore au programme. Bien entendu, le foot à partir de 21h. Bien sûr, il s'est passé encore plein de choses. Hein. On va revenir sur les barrages de Ligue des Champions, le tirage au sort, ce Paris-Monaco. Hein. C'était un match sympa encore, hein, ce match. Très sympa. Même si on a pu le voir ensemble. On va pouvoir bien le débriefer parce qu'on l'a vu ensemble, ouais. Et aussi, on parlera des autres matchs. Il y a eu un gros match aussi entre Galatasaray et la Juve. Il s'est passé des choses dans ce match. La Juve qui finalement est sortie, donc on reviendra là-dessus. Puis le tirage, ce Paris-Chelsea qui se profile. On va bien sûr en reparler tout à l'heure. Et ce Real City aussi, comme on ne peut pas en parler. Ce sera tout à l'heure. On aura aussi notre tour d'Europe habituel, hein, comme d'habitude, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre et puis la Ligue 1, bien sûr, tout ce qui s'est passé. Ce match hier entre Marseille et Lyon. Et c'est Marseille qui s'impose, hein, un peu miraculeusement, on va y revenir tout encore à l'heure. Encore une fois, ouais. Et qui, du coup, revient à deux points de Lyon, on va y revenir tout à l'heure. Et puis les pronostics, bien sûr, comme chaque fois en fin d'émission. Tout à l'heure, vers 20h, 22h30. Et puis avant tout ça, tout ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité, on va revenir. Et puis on reviendra aussi sur les 50 ans du USO, bien sûr. Oh oui. Qui s'est déroulé samedi soir. Alors pas de victoire, non. Mais une belle fête quand même. Une très très belle fête, ouais. Et voilà, l'USO reste dans le coup quand même, malgré tout, même s'il n'y a pas eu de victoire sur cette rencontre face à Rouen. Et puis donc le reste aussi de l'actualité, je le disais, handball. Alors ça c'est passé pour ça, hein. S'est imposé dans cette journée de Pro League. Ça a été compliqué, victoire sur le gong, mais c'était l'essentiel. On va revenir aussi sur le basket. Alors c'était la trêve, hein, pour le LB. Là, il n'y avait pas de match, mais ça va repartir ce week-end. Et puis bien sûr aussi du rugby. Il y avait une journée de Top 14. Il y aura le 6 Nations ce week-end. C'est le retour pour le Grand Chelem toujours face à l'Écosse. Et puis du tennis aussi. Voilà, ça va reprendre tranquillement avec les gros tournois qui vont arriver pour les grosses têtes de série. C'est Indian Wells cette semaine, donc le retour voilà de grandes têtes de série qui vont être là, notamment Alcaraz. Pas de Sinner par contre cette semaine. Voilà, donc pour cette émission, plein de choses encore, comme je le disais. Et bien sûr du son aussi tout au long de l'émission. Vous nous écoutez sur le 96.2 FM, sur le site radio-arc-en-ciel.com. Et puis pour nous joindre, ça se passe au standard 02 38 434 800 si vous voulez réagir avec nous en direct sur tout ce qui s'est passé sur la semaine, hein. N'hésitez pas à nous appeler. Allez, voilà pour l'émission de soir. Et puis direct, j'avais oublié. Par contre, Rémi, je veux dire Mich. On est trois chroniqueurs, mais tu te comptes comme chroniqueur ou il y a troisième chroniqueur? On a Hugo qui nous rejoint par téléphone. À partir de 21h, peut-être un peu plus ce soir, parce qu'on a démarré un peu ric-rac ce soir. Eric Erac même. Et je remercie Manu qui a... Non, pas ça, non. ça ne passe pas. Qui a pu tirer un peu pour nous laisser le temps de nous installer. Allez, c'est parti pour l'émission La Red Argus Sport. Ça démarre maintenant. Arc-en-Ciel, 96.2. La FM en couleur. Ah ouais, il n'y avait pas attends, ça. Ah la vache. Ça pète, hein. Ah la vache. Et c'est à quand les feux d'artifice, ah, c'est, etc. C'est l'année prochaine. Ah là, là, c'est pour les 15 ans, ça. Eh, t'as vu, il y a du matos, hein. Ah ouais, ah, non. Parce que là, il y a une console. C'est, hein. C'est là. Mais comme avant. Ah non, ça a changé. Ah, oui, tu vas voir ça. Il y a du gros matos derrière. Mais c'est parce que c'est une belle radio, c'est une belle station de radio qui évolue, qui grandit, et ça, c'est cool, et ça fait plaisir. Et ouais, bien sûr. Alors, les directs, avant de commencer le programme. Alors, le Real ce soir, en fil rouge, c'est rare, mais c'est le Real qui jouera ce soir, face à Retafe. Alors, important, pourquoi? Parce que le Real est deuxième, à 5 points. Du Barça, donc il faut gagner absolument pour pas être décroché. Voilà, c'est à partir de 21h cette rencontre, donc pour le Real qui sera sans Mbappé, hein, une nouvelle fois, hein, puisque alors ici pas d'opération, on en reparlera, mais à 4 points pardon le Real, mais en tout cas qui sera pas là ce soir. Donc ça ce sera donc tout à l'heure 21h. On aura aussi à 21h non 20h45 pour la Ligue 2 Amiens 3, important aussi pour 3 puisque 3 n'est plus leader ce soir puisque c'est Saint-Étienne qui est de nouveau leader après sa victoire ce week-end, donc bah absolument gagner pour 3 pour récupérer sa place de leader et en plus qui voit ses adversaires revenir, donc à la 3 qui a plus beaucoup de marge. Et puis le dernier match qu'on suivra sera en Italie, Udinese Fiorentina, donc 20h45, bah dans une poignée de secondes maintenant ça va démarrer, ces deux matchs, ces deux rencontres qu'on va suivre en fil rouge. Voilà les trois matchs de ce soir, voilà ce qu'on va suivre en fil rouge. On est parti avec donc notre débrief. On va commencer par le. Ah, il y avait aussi le retour du championnat du monde de MotoGP. C'était la première manche qui se déroulait ce week-end. C'était le Grand Prix de Thaïlande et c'est l'Italien Marco Bezzecchi qui s'est imposé sur ce Grand Prix de Thaïlande. Marc Marquez qui lui a dû abandonner, donc bah il perd déjà des points précieux au classement. Quartararo 14e seulement, Zarco 11e, français assez loin. Donc l'Italien vainqueur cette première manche. Le Brésil, ce sera le prochain rendez-vous, pas tout de suite, hein, dans 3 semaines, le 22 mars, puisqu'il faudra bien sûr déménager toutes les installations du côté de l'Amérique du Sud, donc bien sûr ça va prendre un peu plus de temps. Début de la saison en Formule 1 ce week-end, ce sera le fameux Grand Prix d'Australie comme chaque saison, dimanche, pour attaquer une nouvelle saison donc de Formule 1 avec 24 Grands Prix cette saison, il y a toujours de plus en plus. Donc on aura les habituels, hein, et on terminera à Abu Dhabi maintenant depuis quelques saisons. Donc début décembre, hein, donc de plus en plus bientôt, on va par de pause bientôt le calendrier de Formule 1. On poursuit, c'est parti pour Amiens 3, donc coup d'envoi, et Udinese Fiorentina aussi, ça c'est imminent. Et puis tout petit peu plus tôt, si je rappelle que Bologne a battu Pise dans le match de fin d'après-midi en Serie A, et donc ça c'est important aussi pour le classement, parce que Bologne remonte à la 8e place désormais et toujours peut toujours croire à l'Europe. Le handball, je le disais pour Saran, ça s'est bien passé. Ça a été compliqué, mais ça s'est bien fini, en tout cas pour les Saranais, pour les Septors, qui se sont imposés à domicile. C'était au Palais des Sports face à Ponto Combo. Match important, puisque Ponto Combo était juste devant Saran, donc c'était très important cette rencontre. Victoire 32-31 sur le gong, hein, sur la dernière action. Saran qui va l'emporter et qui va doubler son adversaire au classement, qui est désormais quatrième à un point devant Ponto, qui est toujours à 2 points du podium, qui est pour l'instant avec la 3e place Caen. Et puis Pau et Ivry sont à 27, donc très serré, hein. Il y a 2 points de retard seulement sur le podium, 3 sur la tête, donc ça rend peut évidemment continuer à croire à la remontée immédiate. Et puis après, bien sûr, il y aura les playoffs qui vont se profiler. Nouvelle journée cette semaine, donc il y aura un match en semaine, c'est assez rare, il y aura 2 matchs du coup cette semaine, puisqu'il y aura un premier match avec un déplacement à Cournon d'Auvergne, ce sera demain à 20h30 face à l'équipe classée 9e, donc la victoire pas impérative, mais victoire conseillée en tout cas pour continuer à truster les premières places. Et puis nouvelle rencontre à domicile dimanche, cette fois-ci pour une fois ce sera un dimanche, cette rencontre pour les Septors, avec la réception de Ivry. Et le match est à dimanche à 15h, le coup d'envoi, là aussi au Palais des Sports. Donc allez-y si vous voulez aller voir les Septors, ça se passe dimanche à 15h au Palais des Sports. face à Ivry, pour le moment classé leader, donc bah tout simplement le choc de cette journée. Donc en cas de victoire, ça permettrait de revenir à un point d'Ivry. Donc match très important ce dimanche, et puis bien sûr demain aussi, il faudra les gagner déjà pour commencer la semaine sereinement. On continue toujours en handball avec en Star League, donc dans la première division, c'est toujours Paris qui domine et Nantes ce championnat, avec une nouvelle victoire pour Paris à l'extérieur à Dijon. Nantes aussi a battu Nîmes, donc pas de changement. Chartres a une victoire importante face à Istres, on l'avait dit, hein, face au dernier du classement, il fallait gagner. Victoire compliquée en deux buts, mais ça permet de prendre un petit peu d'air sur cette zone rouge. Donc Chartres qui fait un grand pas. Nouvelle journée donc cette semaine, Paris déplacement à Montpellier, un match de tableau face au troisième. Et puis Nantes qui avait déjà joué en avance et avait gagné, donc bah Paris pourrait reprendre seul la place de leader en cas de succès. Donc dans cette rencontre, voilà pour donc le handball. Et puis tiens, cette semaine c'est aussi la trêve internationale pour les filles, puisque l'équipe de France s'est réunie avec deux rencontres à jouer dans le cadre des qualifications à l'Euro 2026. Ce sera d'abord jeudi, le premier match de ces qualifications, et ensuite il y aura un autre match dimanche. Voilà donc pour ces qualifications, donc la Croatie, et ensuite on aura donc deux matchs face à la Croatie, et ensuite il restera deux matchs en avril, Kosovo et Finlande, et ensuite il faudra finir parmi les deux premières du groupe pour se qualifier et rejoindre la phase finale de l'Euro. Donc il se tiendra cette année dans cinq pays différents, donc l'Euro 2026 qui aura lieu donc en fin d'année. Voilà pour être complet sur le handball. On suit toujours les matchs, donc c'est parti, hein, je le disais, donc dans ces deux matchs, Amiens 3 et Udinese Fiorentina, ça va partir dans 10 minutes pour le Real Retafe, que l'on va suivre évidemment avec attention ce match, avec notamment un jeune milieu pour le Real qui va être titularisé, c'est Thiago Pitarch qui va être titularisé pour la première fois avec le Real, donc on verra ce que ça donne face à Retafe cette rencontre. Du basket, ça va être le retour hein, à la compétition pour Arlan, hein, donc il n'y avait pas eu de match, hein, on l'avait dit hein, sur cette dernière semaine, puisqu'il y avait une trêve internationale avec d'ailleurs donc victoire pour l'équipe de France, deux victoires, ça a été une première victoire assez compliquée, une deuxième un peu plus simple, donc face à la Hongrie, c'est d'abord une victoire de 3 points, et ensuite un petit peu plus large, 90-79, la victoire hier, c'était au Mans cette rencontre, donc ils sont déjà assurés d'une place en second tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2027, donc bah voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Bleus. Il y aura une nouvelle rencontre cet été pour clôturer cette phase, mais en tout cas c'est déjà fait pour aller chercher la deuxième phase. Et puis donc retour à la compétition pour Orléans du coup vendredi, déplacement à Rouen chez le leader, hein, c'est le choc de cette journée. La chorale. Et ouais, qui d'ailleurs Orléans qui a déjà battu Rouen la semaine dernière. Ouais. Ouais, en finale de la Leaders Cup Elite 2, donc un adversaire que Orléans connaît bien. Mais voilà, ce sera à l'extérieur cette fois. Ce sera pas sur terre neutre, ce sera à Rouen, donc ce sera pas simple. Mais en cas de succès, ça permettrait de revenir à deux victoires de Rouen qui est leader. Hein. Il y a un petit peu d'écart maintenant à une victoire. De Rouen, c'est Blois qui est troisième à deux d'écart. Donc Rouen, ce sera un match important, Rouen-Orléans, vendredi à 20h, pour revenir seulement à un match. Alors qu'on arrive bientôt en fin de championnat, donc c'est le moment, c'est le tournant un petit peu de cette saison. Voilà, on est les deux, puis en Betclic ça n'a pas de changement. Monaco toujours leader, Nanterre, Paris et Strasbourg. Le top 4 hein, qui n'a pas bougé, hein, c'est statu quo en haut. Et puis en Euroleague pour Monaco, c'est toujours très très limite pour se qualifier pour la suite. Une victoire de retard sur le top 8, il reste encore 5 journées, donc ça va se jouer à peu de choses pour Monaco qui a été battu face à Tel Aviv hein, jeudi, donc c'est dommage. Et déplacement au Fenerbahçe, le leader hein, tout simplement jeudi, donc match crucial pour Monaco face au leader, donc ça va être compliqué. Voilà pour le basket. Et puis à noter en NBA que ça se passe toujours très bien pour Victor Wembanyama, nouvelle victoire hein, pour les Spurs qui enchaînent hein, Pas du tout. Pardon ? Pas du tout, hein. Alors, ils ont perdu Souquet, ils sont cette nuit, oui. Mais. Ah oui, ils ont pris une belle. C'est la plus grosse défaite qu'ils aient faite. Mais 11 victoires consécutives. Ah oui. Pour les Spurs quand même et là ils ont perdu 114-89, enfin une large défaite. Bon, après quand même 11 matchs 11 victoires consécutives, ça paraît logique, mais les Spurs qui en tout cas sont toujours très très bien classés, hein, dans cette franchise à l'ouest, deuxième derrière Oklahoma City, donc ça se passe très très bien pour le français, pour les Spurs, donc qui vont forcément se qualifier pour les playoffs. Après, espérer être du mieux classé pour la suite. Mais c'est évidemment après, à partir des playoffs, qu'on commence vraiment à voir un petit peu ce que ça donne. Alex, tu suis un peu le NBA ? Pas énormément. Les matchs dans la nuit comme ça, c'est. Ah, c'est compliqué à suivre. Je t'avoue. C'est compliqué à suivre. Il fait autre chose à nuit. Ouais. Il dort. Bah, comme tout le monde. Voilà pour le basket. Le rugby. Alors, c'était la trêve du Six Nations. Il n'y avait pas de match week-end. Il y avait en revanche une journée de top 14. Évidemment. Pau qui a perdu face à Bordeaux, c'était le choc du haut de tableau, qui a gagné par exemple 39-17, donc il reste deuxième. Et c'est Toulouse qui s'envole. Hein. Toulouse toujours leader, victoire. Et large victoire face à Montauban 68-13, qui est dernier, hein, qui a assuré quasiment déjà de descendre, donc pas de, il n'y a pas eu de match dans ce match. 67 points, 12 points d'avance pour Toulouse qui va pratiquement maintenant, c'est sûr, finir en tête, sauf catastrophe, et qui devrait se qualifier pour les demi directement. Et puis pour la suite, Pau, donc je disais, Montpellier, Clermont, Bordeaux, Stade Français, pour l'instant c'est le top 6, les autres peuvent encore y croire, hein, Toulon, Racing et Castres, mais ça va être un peu plus compliqué. Il y aura pas de match ce week-end puisqu'on va terminer le tournoi des Six Nations, ça y est, donc avec un premier match donc qui va avoir lieu ce week-end pour donc la quatrième journée du tournoi des Six Nations. Eh bien c'est le déplacement en Écosse pour l'équipe de France qui va tenter de s'imposer à nouveau et de rester leader. Alors l'Écosse qui est juste derrière, donc c'est qui est à 4 points derrière, donc il faut absolument gagner, hein, puisque l'Écosse sinon on passerait devant, hein, tout simplement. Donc le grand chelem serait terminé et en plus la victoire ce serait pas fait, donc une finale avant l'heure. Ouais, c'est ça, il faut gagner absolument ce match-là pour l'équipe de France. L'Écosse qui a fait des bons matchs, hein, une victoire au Pays de Galles un peu à l'arraché, mais qui s'est imposée, qui avait battu les Anglais aussi lors de la deuxième journée. Donc l'Écosse qui est quand même pas à prendre à la légère, qui le plus est à l'extérieur. Donc il faudra suivre ça. Donc ce sera samedi à 15h10. On aura un Italie-Angleterre aussi à 17h40. Alors l'Italie qui a quand même posé pas mal de problèmes, ouais, à l'équipe de France, hein. Ouais, qui commence à bien. Qui monte très très fort, hein, dans cette assignation. Donc attention face à des Anglais en plus qui sont moins dedans. Ils ont pris une rouste face à l'Irlande. Donc ça peut faire du match. Et puis le dernier match, ce sera donc l'Irlande, donc qui jouera vendredi soir. Ce sera la réception du Pays de Galles. Voilà. Puis ensuite tu auras bien sûr le crunch France-Angleterre pour terminer, hein, la semaine prochaine. Avec les Anglais qui peuvent plus croire à grand chose, mais c'est toujours cette rivalité. Ils auront envie de battre les Français, donc ce sera peut-être pour le grand chelem. On verra tout ça bien sûr à partir de la semaine prochaine. On débriefera déjà ce match face à l'Écosse. Voilà donc pour le rugby. À noter aussi que le RCO a gagné en National 2, victoire importante pour rester donc dans le top 2. Voilà, qui est deuxième, donc ça c'est chouette pour le RCO qui reste bien bien placé. Dimanche de réception de Saint-Jean-de-Luz à Marcel Garcin, c'est dimanche à 15h15 pour aller voir le RCO donc sur cette nouvelle journée, et donc rester au contact des duos de tableau, et on le sait, après c'est les playoffs, hein, pour essayer d'aller chercher tout simplement la suite donc de cette saison. Voilà pour le rugby. Puis on termine avec un mot de tennis, puisque ça y est, c'est reparti, hein, avec les gros tournois qui vont redémarrer. À noter que c'est Medvedev qui a gagné le tournoi à Dubaï, et d'ailleurs qui est bloqué à Dubaï, hein, le russe, puisque on le sait, hein, avec ce qui se passe en ce moment, il a pas pu repartir, donc il est bloqué là-bas, le russe, au forfait de son adversaire Talon Greek Sport. Donc il a gagné le tournoi sans jouer de finale. En tout cas, le russe a fait un premier titre pour lui cette saison. là, du côté de Dubaï. C'était le tournoi principal avec Acapulco où c'est Coboli l'italien qui lui s'est imposé. Cette semaine, Indian Wells, c'est les gros tournois, ça y est, qui démarrent. Ça démarre mercredi, ce tournoi donc d'Indian Wells, donc milieu de semaine. Zverev serait tête de série numéro 1. On aura Alcaraz qui sera présent. D'ailleurs, c'est Quentin Alice, le français, qui va devoir se coltiner l'espagnol au deuxième tour, puisque lui, le français, s'est imposé aujourd'hui, s'est qualifié. Donc voilà, ça sera pas simple la tâche. Chez les français, M. Petit Péricard sera présent. Corentin Moutet continue l'aventure. Il a gagné aujourd'hui, donc il affrontera Rouneux au deuxième tour, ça va être compliqué aussi. Hugo Humbert face à Nishikori, voilà, pas simple non plus, japonais. Et puis Arthur Fils aussi, est directement qualifié au deuxième tour. Le français. Et puis Benjamin Monzi, c'est déjà fini pour lui, malheureusement. Hugo Gaston aussi s'est qualifié. Gaël Monfils s'est qualifié pour sa dernière saison. Pour le deuxième tour, il a battu Struff, l'allemand, 6-4, 6-4. Donc voilà, le français qui continue l'aventure. Il affrontera Korda, l'américain, au prochain tour. Tête de série 24, donc pas simple. Et puis Rindernak, c'est terminé aussi pour lui, battu aujourd'hui. Pas de Sinner cette semaine, il sera pas présent. L'italien pour jouer à Indian Wells, probablement à Miami la semaine prochaine. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Voilà pour le tennis. On va marquer une pause, les directs avant de le faire. Udinese a ouvert le score déjà sur sa pelouse, ça c'est la Fiorentina. Ça fait 1-0 après 12 minutes de jeu. Donc voilà, c'est bien parti cette rencontre. Et puis dans l'autre match, donc la Ligue 2, Amiens 3, pas de but pour l'instant. Et puis dans une minute, c'est parti pour le Real face à Retafe, le match qu'on va suivre en fil rouge ce soir. Allez, on marque une pause et on se retrouve donc dans un instant avec le foot, avec plein de choses. Ça va être parti dans un instant. Et puis Hugo qui nous rejoint. Bien sûr, donc dans 3-4 minutes, le temps d'écouter le son qui va suivre. Et puis bien sûr, on rappelle, donc Ligue des Champions, on va présenter les barrages, on va revenir sur les barrages, mais on va présenter les affiches des huitièmes. Et puis bien sûr, tout ce qui s'est passé en Europe, en France, la Ligue 1, enfin voilà, plein de choses encore qui se sont passées ce week-end. Allez, les Daft Punk pour le son avec One More Time, et puis juste après on revient. Donc dans 5 minutes pour le foot avec Hugo. Allez, 20h59 sur Arc-en-Ciel, on se retrouve dans 5 instants, tout de suite. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. Les Daft Punk à l'instant pour One More Time, bien entendu, sont iconiques. J'espère que Simon Jaunet, vous allez bien. C'est l'heure d'Argus Sport toujours sur Arc-en-Ciel. Il est 21h05, c'est l'heure de retrouver Hugo que l'on retrouve comme chaque lundi. Salut Hugo. Salut Rémi, salut à toutes et à tous. Comment ça va ce soir? Comment il va? Eh ben, il va bien, écoute. Après une belle semaine encore une fois de foot, une nouvelle qui s'annonce un peu moins dense, mais qui va être quand même sympa à suivre avec la Coupe de France notamment. Donc écoute, ça va très très bien. Super, bon, on est avec Alex donc qui nous rejoint. On est avec Jérémy aussi qui nous a rejoint pour l'anniversaire de la Red Argus Sport, puisque c'est les 15 ans ce soir. Là, on est autant que ça là? Ouais, on est 4 ce soir, c'est magnifique. C'est la folie. C'est la fête, c'est fou. Donc on va revenir sur tout ce qui s'est passé la semaine passée justement. Alors, avant ça, on rappelle les directs. Hein. Donc, tu suis le Real pour nous en vidéo. Ouais, je suis le Real et puis les stacks aussi. Hein. Je suis en double fil, encore une fois, en double écran. Voilà, bon, bah, génial. Je suis la Ligue 2 et l'Espagne pour vous, ouais. Avec donc du côté du Real, un petit nouveau, un petit jeune qui a débuté d'ailleurs. Tout à fait, ouais, un petit jeune qui a débuté. Le jeune milieu de terrain, Thiago Pitarch, je sais pas si on le dit comme ça. Effectivement qui a 18 ans, donc on va voir un petit peu ce que ça vaut. Il a déjà joué deux fois cette saison, il est né en 2007, mais c'est vrai qu'on va voir un petit peu comment il peut s'installer dans ce milieu de terrain du Real qui, on le sait, manque cruellement quand même de créativité, j'allais dire que depuis cette saison, mais déjà l'année dernière c'était déjà compliqué. Donc à voir si déjà il peut apporter une petite touche de jeunesse et de fraîcheur à cette équipe du Real. On va voir ça aussi. Puis j'attends aussi le match de Gonzalo Garcia qui enchaîne quand même les bonnes plutôt bonnes prestations. Ouais, exactement. Quand Mbappé n'est pas là, quand il remplace Mbappé, donc j'attends aussi un bon match de l'attaquant espagnol. Du coup, c'est Kimavinga qui a fait les frais de ce changement. Ouais, pas dans exactement. Ouais, donc, ouais, parce que Kamavinga, c'est vrai qu'il est pas non plus dans une très grande forme, contrairement à Tchouaméni, pour le coup, je trouve qu'il est. Il est même, pas là. Bon. Ah ben, il est blessé, Kamavinga, c'est pour ça qu'il. Il est pas blessé, il est. Il est pas là en tout cas. Il est pas sur la feuille du tout. Il est pas présent sur la feuille. Donc il ne jouera pas. Voilà. Ça tient puisqu'il est pas dans le 11 ni dans le 20 je sais pas combien, enfin dans les joueurs remplaçants. Allez, on enchaîne. Les autres matchs aussi, donc bah 3 on a dit qu'il doit gagner pour revenir à leader, et Udinese qui mène déjà 1-0 face à la Fiorentina en Italie. Ligue des Champions. On va revenir sur ce qui s'est passé. Alors pas tout, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs sur ces barrages. Bien sûr, on va revenir sur Paris-Monaco, puisque c'est Paris donc qui continue l'aventure. Ça a été encore compliqué pour Paris, hein, face à Monaco, qui est un peu à l'image du match aller où Monaco a bien démarré ce match. Ouais, clairement. À Monaco, oui. A forcément bien démarré son match, a encore été une fois surprenant. C'est vrai que je pensais pas non plus qu'il réitérerait aussi bien par rapport au match aller, et c'est vrai que ça a été le cas. Ils ont su remettre le couvert avec aussi ce but quand même à la 45e d'Akliouche qui vient un petit peu délivrer les Monégasques après cette bonne première période, ce bon premier acte, et à l'inverse, on a encore souhaité ce PSG là qui est décidément toujours pas du tout convaincant, qui n'est toujours pas dominateur comme on l'a connu l'année dernière. Encore une fois, ce qui peut se comprendre quand t'as touché au Graal, quand t'as touché ton objectif que t'attends depuis 15 ans, c'est normal aussi de les voir un petit peu galérer et ne plus avoir forcément cette fin. Mais cela dit, ça suffit pour le PSG qui s'est réveillé, si j'ose dire, en tout cas encore une fois, à cause d'une histoire de carton rouge côté monégasque. On disait déjà la semaine dernière, j'ai mis ensemble, avec un nouveau carton rouge de Golovin et là de Koulibaly cette fois-ci. En plus, à peu près à l'heure de jeu, quoi. C'était pareil, Golovin. Même moment, même moment, à peu près. Bah, c'est quand même souvent un moment charnière dans une rencontre, l'heure de jeu, mine de rien. Donc, c'est vrai que c'est un peu les pires moments aussi pour se retrouver en infériorité numérique. Encore plus, quand tu joues face au PSG, au Parc des Princes, en Ligue des Champions, c'est sûr que c'est vraiment tout ce qu'il faut pas, qui t'arrive dans un match, dans une rencontre comme ça. Et puis, derrière, voilà, la punition, directement. Et puis, par deux fois, coup sur coup, un Marquinhos à la 60e. Et donc Guevara 5 minutes plus tard. Donc voilà, on s'était dit à ce moment-là forcément que la messe était dite pour Monaco, hein, 10 contre 11, c'était sûrement mort. Et puis ils ont quand même essayé de continuer de pousser, même si forcément ça devenait beaucoup plus compliqué. Et puis le PSG gardait évidemment le ballon comme ils savent toujours le faire quand même, avec 7 points de classe encore une fois que l'année dernière, mais ils savent bien sûr toujours très bien le faire. Et puis bon, on a quand même ce but un petit peu de l'espoir dans les arrêts de jeu de Thésée, mais ce sera bien sûr pas suffisant pour Monaco. Un dernier corner, un peu de suspense avec le dernier corner. Oui, Ouais. Les gars, en face, pour puisqu'on était ensemble sur ce match, un peu une petite analyse. Oui, on était ensemble, on a pu le partager. Le manque de Niak et Monaco qui se tue, en fait, mine de rien. Encore une fois, on est au parc. Ils étaient presque les seuls à y croire. Au final, je ne sais pas trop ce que vous aviez dit la semaine dernière, que ce soit vos pronos ou peut-être l'analyse avant match. Mais on s'est dit, voilà, quand même au parc, Paris va très compliqué, le travail. Et au final, sur ces 45 premières minutes, non, une vraie opposition. Peut-être que Monaco va pouvoir prendre sa revanche. Mais, en tout cas, il ne faut vraiment pas lâcher le pied. Et Paris, c'est toujours peut-être ce problème de préparation, notamment avec la Coupe du Monde des clubs et cette redescente après voilà leur première Ligue des Champions. Ouais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore complètement remonté, sorti la tête de l'eau, Paris. Hein, depuis, il y a eu quelques matchs compliqués en début de saison. C'est vrai, puisqu'il y a eu l'enchaînement des matchs. Mais c'est vrai qu'on ne retrouve pas comme l'an passé. C'est vrai que tu disais, Hugo. C'était pas facile. Hein, tu peux te poursuivre de haut niveau comme à n'importe quel niveau, mais quand tu as touché à un semblant de Graal, en tout cas, t'as franchi un objectif, c'est pas toujours facile après quand tu te remets à la compétition. On le disait, en si peu de temps, avec la Coupe du Monde des clubs notamment, où il n'y a jamais vraiment eu de coupure presque entre les deux saisons, c'est franchement pas simple, hein, pour chacun de retrouver pas l'envie vraiment, mais même le petit truc en plus, la grinta en plus à retrouver, c'est pas forcément simple. Et puis, oui, il y a peut-être un peu de fatigue aussi dans les organismes. Même si ça se ressent pas forcément tout le temps, Hakimi, j'ai l'impression, quoi, peut-être commencer un peu à la retrouver, mais il est quand même toujours voilà, c'est, il a plus l'impact sur son côté droit, sur son aile droite, on retrouve pas le même impact qu'il avait l'année dernière. Après, il y a aussi eu la canne pour lui, en plus, qui est arrivé avec beaucoup, forcément, de débauches physiques et mentales, j'en doute pas, qu'il a forcément débauché, oui, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, voilà. C'est sûr, c'est pas une période facile. J'attends de voir, là, vraiment, la grosse opposition, la première vraie grosse, si j'ose dire, avec des matchs d'élimination directe, ça va être là en 8e contre Chelsea. On va voir ce que ça va donner, mais effectivement, il y a quand même du taf encore, ouais, côté PSG, après, pour Luis Enrique et puis pour toute l'équipe. Moi, je pense qu'ils se mettent au niveau, en fait, des équipes qu'ils rencontrent et qu'ils vont monter en puissance contre Chelsea. Un gars comme Dembélé, lui, c'est encore plus compliqué parce qu'il fait Ligue des Champions et Ballon d'Or. Donc, je pense que là, il y a une partie mentale. Et pour Hakimi, je pense qu'il y a aussi le à côté, vous savez, il y a les soucis. Ouais, extra sportif, ouais. Et je pense qu'il y a ça aussi qui peut jouer. Qui peut jouer là-dessus, ouais, ça peut jouer là-dessus. Mais moi, je suis pas inquiet contre Chelsea. C'est comme chaque année, enfin, Paris, chaque année, à ce niveau, à arriver au match à élimination directe, ça monte en puissance. Je suis pas vraiment inquiet, moi, pour Paris. Après, tu parles depuis quand, depuis l'arrivée d'Enrique, parce que les éliminations à 8e de finale, des éliminations à 8e de finale, on a connu, toujours, on a soupé, hein. Ils vont toujours plus loin que Marseille, mais c'est vrai que c'est... C'est dans ma gueule, celle-là. C'est cadeau, Hugo, celle-là. Au passage. Mais attends, là, maintenant, ils ont pris le grand bail. Il faudra qu'on en parle ce soir. Ah, on va parler tout à l'heure. On en parlera, bien sûr. C'est prévu. Deux choses. Ouais, vas-y. Quand même, pour conclure. Après, clôture avec ça. Sur Paris. Quand même un absent dont on parlait peut-être pas suffisamment la saison dernière, Fabian Ruiz. Quand est-ce qu'il va revenir dans ce 11? Il est important et cher, je pense, à Luis Enrique. Et dernière chose, au final, à partir des 8e, c'est là qu'on a vu ce Paris dominant l'année dernière. Voilà, donc c'est là, début mars, en fait, que les équipes doivent trouver leur rythme. Ouais. C'était venu un poil plus tôt l'année dernière. Enfin, c'était le gros déclic, c'était contre City. En phase de ligue, quand même. Oui. Après, c'était pas la même ambiance, forcément. Il était pas encore champion d'Europe à ce moment-là. Enfin, le contexte était différent, c'est sûr. Mais après, ce qu'on disait la semaine dernière, c'est pour le bien du foot français et pour l'indice UEFA, il est évident qu'il fallait que Paris passe. C'était mieux que Paris passe. Monaco, contre Chelsea, je leur donnais pas. Même si on en parlera tout à l'heure, Monaco, ça va mieux. Hein, ils ont gagné encore ce week-end. C'est encore pas ça, mais c'est mieux. Mais si on, voilà, contre Chelsea, je pense pas que les ressources nécessaires. Moi, ça aurait été trop juste. On l'a vu depuis le début de saison, et puis tous les blessés, tous les absences, tu prends des rouges à chaque match, en plus, c'est tombé, quoi. C'est pas possible de poursuivre comme ça. Ah oui, attends. Bel objectif, hein, cette année, on va faire une belle 7e place. Ouais, bonne conférence ligue. Voilà. Ah, tu sais que ça peut revenir. Bon, pour les 4 premiers, c'est ça, on me plie, mais je pense que là, ça compte. Les deux premiers, après, ça y est, c'est rideau. Non, mais même pour les quatre premières places, ça va être compliqué. Ouais. Vous êtes 37, 40, 40, 43, 45, ça va. Ouais, mais bon. Large. Ouais, mais bon. Il y a beaucoup d'équipes à passer, quoi, devant. T'es pas juste 4 et 5e, t'es loin. Il y a quand même des équipes à doubler, donc. Je pense légitimement que la Ligue Europa, ce sera déjà une réussite. Hein. Déjà. On verra. Bon. Mais il reste plus beaucoup de matchs non plus. Hein. Oui. Très bien. Bon, on clôture sur ça. Donc rapidement. Avant ça, oui, rapidement, ce qui s'est passé aussi, bah, on l'a vécu un petit peu, hein, la prolongation de Juve, Galatasaray, c'est fou ce match, parce que Galatasaray. Je te l'avais dit la semaine dernière, hein, Rémi, je te l'avais dit, Galatasaray, j'en avais parlé avec des. Ils peuvent s'écrouler. Des potes turcs et des supporters de Galatasaray, je t'avais dit qu'ils m'avaient effectivement confié que Galatasaray était totalement le type d'équipe à s'écrouler, à pouvoir prendre un 3-0, ça a été chose faite. Alors après, il y a eu ce carton rouge aussi pour la Juve dès la 50e. Mais bon, c'est là que la Juve a mis deux buts aussi après, quand même, en infériorité numérique. Bon, forcément, c'est plus compliqué quand tu joues 120 minutes après 10 contre 11 pour enchaîner côté vieille dame. Mais effectivement, Galatasaray, je t'avais dit que c'était probable. Il y a un scénario de ce genre-là, quoi. Ouais, ça a failli passer, ça a failli le faire pour la Juve, mais ça s'arrête là. Donc, ouais, puis on verra, ils n'ont pas gagné ce week-end encore, mais. Voilà, le Real donc est passé aussi, bon, très rapidement, 2-1 face à Benfica, ils n'ont pas forcé, mais ça passe. Encore un match, un peu à l'image de ces derniers matchs, de toute façon. Et toi, Hugo, qui parlait de Tchouaméni quand même, buteur, extérieur de surface. Ouais, chouette but. C'est spécial un peu. C'est vrai que longtemps qu'il n'avait pas revu faire ça. Un peu, il avait fait la même contre l'Angleterre, avec l'équipe de France. Enfin, ouais. On commence à le connaître maintenant, mais. Mais en tout cas, voilà. On en attendait mieux de ce match-là. Enfin, oui. Du point de vue notamment des affaires, de l'affaire qu'il y a eu avec le milieu argentin contre Vinicius, hein, on s'attendait à un peu plus de friction ou même d'enjeu, si j'ose dire, enfin, sur le terrain directement. Mais, bon, j'étais un peu déçu parce qu'à un moment, j'ai zappé, je te jure, PSG Monaco, j'ai zappé un peu sur le Real et bon, j'étais déçu, j'ai vite re-zappé sur le PSG. Mais... C'était pas un grand match, non? Non. Bergame qui a renversé la tendance face à Dortmund, hein, qui avait perdu 2-0 et qui a gagné 4-1, hein, donc bah Bergame ça passe aussi. Dortmund, c'était une sale semaine, hein. On en parlera tout à l'heure, mais ouais. Cette semaine pour eux. Newcastle, bon bah pas de souci, hein, ils avaient gagné 6-1 en 3-2 au retour, donc pas de problème. Le Bayern, pareil, hein, match sans grandes occasions dans ce match, donc le qualifié avec un 0-0 au retour. Suffisant. Ouais, suffisant. Et puis alors l'Atlético, voilà, qui a fait forte impression sur ce match retour, hein, 4-1 face à Bruges. On avait dit Bruges à domicile c'était fort, bah à l'extérieur ça l'est beaucoup moins. Et ouais, surtout un grand Charlotte encore sur ce match. Encore ouais, bah il est triplé, mais il est dans une très bonne forme aussi, ouais, hein, norvégien. Bon, il a pas trop fait le taf ce week-end, on en parlera tout à l'heure aussi, mais non, il, en ce moment ça qui il est bon, il a su sortir le match qu'il fallait. Très très très propre sur ce match et c'est. Je t'ai dit un match sur deux, l'Atlético. Hein. Ouais. On va le voir ce week-end aussi. Ça, bon, ils ont gagné ce week-end en championnat, mais c'était pas glorieux du tout. Face à la Lanterne Rouge, on en parlera tout à l'heure, mais c'est un match sur deux, l'Atlético. C'est impressionnant. Et puis enfin, la surprise, c'est Bodo Glimt qui a sorti l'Inter, qui a gagné les deux matchs en plus. Hein. C'est 2-1 au retour. Et donc, bah voilà, l'Inter, c'est déjà fini. Ils vont pouvoir jouer sur le championnat jusqu'au bout. Ils vont pouvoir aller gagner leur Serie A. Alors qu'ils sont déjà, c'est déjà bien fait, bien engagé. Mais Bodo Glimt, c'est la vraie surprise quand même. C'est la vraie surprise, oui, mais franchement, tu vois les deux matchs, c'est vraiment plus logique. C'est logique, il n'y a rien à dire. Y a rien à c'est dire. Une démonstration de réalisme, il n'y a rien à dire. Quoi. C'est, plus que franchement, vérité, c'est... Est-ce qu'il y a pas un... Voilà, il y a un manque d'expérience du côté de l'entraîneur chez vous, quand même, qui a repris le dispositif qui était cher à Inzaghi. Mais voilà, dans les grands moments, est-ce que peut-être que tactiquement, au niveau des remplacements aussi, il n'y avait pas peut-être mieux à faire pour lui, surtout à la maison? Bah, forcément après, mais c'est une maladie un peu qu'ont tous les gros clubs italiens dernièrement quand même, hein. Parce que là on voit que le foot italien c'est écroulé là en Coupe d'Europe. Ah, bon, l'Atalanta, à part l'Atalanta du coup qui reste le dernier représentant italien, mais c'est qui nous a quand même surpris. Qui ira pas au bout, je pense, donc ils vont vite perdre tous leurs représentants. Qui cherche toujours, enfin qui peut toujours amener un cinquième club en Ligue des Champions, parce qu'on le sait. Il faudra terminer parmi les deux meilleurs à l'indice UEFA dans la saison les Anglais c'est chaque année, donc il n'y a pas de débat, mais il reste une deuxième place et l'Italie cherche cette deuxième place cette année. Bon, avec deux en moins ça va se compliquer, mais ça va être délicat. On verra si c'est peut-être l'Espagne ou l'Allemagne qui peut la récupérer, mais l'Italie est encore dans le coup parce qu'on sait qu'il y a encore des clubs dans les autres compétitions, donc ça peut le faire, pourrait amener un cinquième qualifié. On aura l'occasion d'en reparler. Les huitièmes du coup, hein, qui se profilent, ce sera la semaine prochaine déjà, hein, ça va arriver très très vite. Ce match aller, le match retour dès la semaine suivante, hein, c'est très rapide. On entend le meilleur moment de la saison là. Ouais, ça y est, enfin, toujours arrivé début mars, c'est chouette. Donc ce Paris Chelsea, bon, on en a un petit peu évoqué, donc bon, pas d'inquiétude pour vous cette confrontation. Est-ce que c'est un bon tirage? Est-ce que il aura fallu mieux prendre le Barça? Est-ce que c'est une bonne situation? Scrib, est-ce que c'est une bonne situation? Je ne crois pas que c'est une bonne situation. Moi. Je ne crois pas qu'il y ait de bon ou mauvais tirage. En vrai. Bah, actuellement, pour moi, non. Enfin, si, c'est sûr que ça aurait été mieux, mais on ne pouvait pas forcément. C'était forcément Barça ou Chelsea, mais il y avait d'autres clubs. Après, j'aurais préféré, si c'était possible, dire un Tottenham ou un Atletico. Mais bon, on savait forcément que c'était Chelsea ou Barça. Mais non, moi, je préfère, pour Paris, je préfère taper Chelsea, hein, je te le dis honnêtement, bien sûr. On voit encore quand tu vois un Yamal comme il a été ce week-end en championnat, on en parlera tout à l'heure aussi. C'est bien, on fait du teasing, c'est bien, moi, dans cette émission. On fait beaucoup de teasing, mais quand on voit un Barça et un Yamal à ce niveau-là, tu te dis que non, on peut mieux taper mille fois un Chelsea qui a un effectif à rallonge, encore une fois, mais qui en manque cruel aussi de créativité, malgré l'arrivée de Liam Rosenior qui était qui est venu de Strasbourg pour ça, mais pour l'instant c'est vrai qu'il a quand même du mal, le coach anglais. Mais non, après, de là de dire que c'est fait et que PSG est en quart, mais je mets un coup de frein quand même, évidemment. Le match retour, en plus, est quand même à Brest, Stamford Bridge. Alors, c'est surtout ça, ouais. Mais ça c'est pas vrai. C'est pas l'idéal. Et on se souvient quand même des paris de Chelsea aussi. Là, depuis il y a 10 ans. Pas évident. Pas évident du tout. C'est quand même une grosse rencontre de Ligue des Champions. Faut pas les enterrer. Au final, oui, quand même, depuis qu'il est arrivé, Liam Rosenior, il a connu que sa première défaite en Première Ligue ce week-end contre son ennemi juré Arsenal. Il a fait que perdre contre Arsenal. Mais sinon, quand même, il met en place pas mal de choses. Ça manque peut-être un peu de projection avec João Pedro qui revient toujours en pivot. Mais c'est loin d'être gagné. Il va falloir justement que Paris augmente son niveau de jeu et nous livre une vraie double confrontation. Bon, on verra ça. Donc, ce match aller au parc, ce sera mercredi, hein, le 11 mars. Donc, on verra tout ça. Un mot de Real City, peut-être, Hugo? Ouais, c'est un peu le match que j'ai coché, moi. Pour pas cocher le PSG, je savais qu'on allait en parler, mais honnêtement, j'ai hésité, mais je crois qu'Alex l'a fait, mais peut-être il va nous parler de Galatasaray Liverpool après. Mais ouais, Real City, forcément, bon, déjà, c'est, je crois que c'est la cinquième année de suite qu'on a un Real City en LDC. Donc c'est vrai que c'est une affiche maintenant qui est devenue commun de voir un Real City chaque année, mais c'est sûr que c'est toujours des affrontations extrêmement intéressantes entre deux des plus gros clubs en Europe et donc du monde, hein, si vous me permettez, mais c'est vrai que bon, on sait que le Real c'est leur compétition, la C1, en plus le match retour c'est pas Bernabéu pour le coup, donc pour ça faudra pas se louper pour eux, et je pense tout simplement que cette année, City, même s'ils font pas non plus une énorme saison City, alors ils sont deuxième, ils sont assez loin d'Arsenal, surtout que on va voir si Arsenal va se reprendre l'épée dans le tapis en fin de saison, comme ça leur arrive souvent, ou comme ça a presque pu leur arriver là dernièrement. Mais City, pour moi, par rapport au Real, est supérieur collectivement, tactiquement. Je pense qu'on n'a pas besoin de comparer Pep Guardiola et Alvaro Arbeloa, avec tout le respect que j'ai pour Arbeloa, mais qui n'est pas en plus l'entraîneur rêvé pour le Real et pour Florentino Pérez. Mais City pour moi est au-dessus collectivement et a beaucoup plus d'idées. Cherki qui monte en puissance de mois en mois. Haaland qui reste Haaland, même s'il marque un peu moins cette saison, mais qui reste un buteur incroyable évidemment. Et le Real, ouais, qui, alors, on verra aussi d'ici la semaine prochaine si Mbappé pourra être là ou pas, mais à mon avis j'ai des doutes. À l'aller ça va être compliqué, ouais. Ça va être très compliqué, donc non, moi je suis pas serein pour le Real Madrid, et c'est pour ça que je mettrai pas évidemment ma maison non plus sur City, mais je mettrai facilement une petite pièce sur City, qui me semble, pour moi, sur cette double confrontation là à ce moment de la saison, pour moi City est légèrement favori quand même de cette rencontre. C'est Benio aussi qui connaît une acclimatation express, qui connaissait évidemment la Première Ligue, mais voilà, dans ce système de jeu, Manchester City, l'homme en plus de ces dernières semaines. Non, je te rejoins là-dessus, Hugo. Donc, pas de chalet. Je sais pas si t'es d'accord pour Rennes aussi avec ça. Mais... Oui, pour moi, les dernières semaines, le Real, dernier mois même, on le voit, le Real, ça gagne, mais même s'il y a eu une grosse série de victoires, mais c'est quand même compliqué. Des fois, c'est tiré par les cheveux. City, ils sont quand même beaucoup plus réguliers, hein, je pense. Dans le jeu, ça fait un petit peu comme les débuts de Xavi, en début de saison, ouais. En fait. Mmh. Où, oui, ça gagne, c'est oui, ça prend les points, mais derrière, qu'est-ce qu'ils mettent en place, on se pose encore une question. Qu'est-ce que tu proposes réellement, ouais, c'est ça. Et ça fait un an et demi maintenant qu'on est dans cette situation-là, où tu dis, bon, d'accord, oui, c'est bien, il y a la réputation là, mais. Ils peuvent faire. Mais c'est pas systématique et va arriver une très grosse confrontation. Donc Manchester City qui reçoit au retour, faut faire attention. Ouais. Mais après le Real reste le Real et en Ligue des Champions, c'est vrai que des fois c'est pas la même équipe et ça peut faire. En tout cas, ça peut faire deux grosses rencontres. Ouais, mais encore une fois, ce genre d'exploit, ça arrivait souvent quand le match retour était à Bernabéu quand même aussi. C'est vrai. Ce qui n'est pas le cas là. C'est huitième. Ouais, oui, exact. Ça peut avoir son importance. On suivra donc match aller mercredi, ce sera en même temps que Paris, va falloir choisir. Et du coup le retour aussi, hein, donc pas de chance pour ce match. Et puis enfin, Alex, toi tu voulais nous parler de quel match? J'avais personnellement fait une petite croix sur Newcastle-Barcelone, okay. Quand même. Pour le coup, Newcastle, notamment à l'extérieur, c'est compliqué. Pareil, petit teasing en prévision des débriefs de la première ligue. Mais autant Barcelone, comme tu dis là, sur ce week-end-là, avec ce niveau-là et avec ce Yamal-là, il n'y a aucun souci. Par contre, un petit peu comme l'Atlético, ils peuvent avoir tendance quand même à baisser un petit peu le pied. Maintenant, en fait, les adversaires savent comment joue le Barça, avec cette ligne défensive très très haute, Flick qui veut absolument un pressing plus qu'intense. Et maintenant, les adversaires sont préparés et ils jouent à la limite du hors-jeu, au niveau de la ligne médiane. Et en fait, en deux passes, malheureusement, ils peuvent marquer. Donc, il va falloir être vigilant. Est-ce que Koundé aussi peut vraiment gérer cette ligne défensive-là? Depuis qu'ils ont perdu Martinez, on sait que c'est compliqué, ils prennent encore plus de buts. C'est la question que j'allais te poser, moi. Koundé, ça reste un point d'interrogation aussi pour moi, quand même. On est d'accord. Là-dessus, ouais. Pour le coup, il est capable de grandes choses. Il s'entend très très bien avec Yamal sur son couloir droit. Par contre, défensivement, que ce soit sur les retours ou sur le positionnement et l'alignement, encore une fois, cette défense très haute, ça pose des problèmes. Ils ont déjà perdu des points. Et autant l'année dernière, ils étaient capables d'aller chercher un match 5-4, autant là, ils peuvent d'un coup sombrer. Bah, match aller le mardi 10, du coup. Ça, on pourra le voir. Pour la réponse, tout à fait. Et voilà. Et le retour sera au Barça, mais sera 18h45, pour le coup, cette fois-ci. Ouais. Alors très rapidement, allez, en un mot sur Galatasaray Liverpool, mais vraiment un mot. Après, il faut qu'on enchaîne. On s'en fout. Alors, moi, si je suis joueur, franchement, je mets une petite pièce sur Galatasaray. J'ai envie. Sur la qualif. Ouais. À l'aller, ils joueront à domicile. Peut-être à l'aller, la qualif, ça va être chaud quand même. Ouais, parce que le retour en déplacement, va falloir s'accrocher quand même, je pense. Il va être costaud, je pense. Ouais. Mais match aller, peut-être une petite pièce sur un. Ça peut gagner d'un but. Ça peut gagner d'un but. Un petit 3-2, tu vois. Il va falloir qu'il tombe un peu dans ses travers, c'est possible en Turquie. Galatasaray Liverpool, c'est mardi à 18h45, match aller. Hein. Ensuite, on aura Bergame Munich. Donc ça, voilà. Donc on verra ce que ça fait. Bergame qui a réussi à se qualifier en inversant la tendance. Face à Munich, quand même, qui marche un peu sur l'eau. Hein. On verra ce que ça donne. Donc match aller aussi le mardi. Atlético Madrid Tottenham. C'est pas le match. C'est un peu la rencontre la moins alléchante. Ouais, c'est. Par contre, un Bodo Sporting. Là, je suis curieux. Ouais, je suis curieux de voir ce qui se passe. Parce que. Ça joue en même temps que les autres, parce que Bodo peut, ça se trouve, s'en sortir face à un. Même si, c'est un des clubs phares au Portugal, mais parmi tous ceux qu'il y avait, c'était peut-être un tirage le plus abordable pour eux, quoi. Complètement. Sur le papier, honnêtement, tu te réveilles d'un coma de 3 mois, tu te dis, mais jamais je regarde ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est. Oui. À l'heure actuelle, tu te dis, bon, c'est un petit match de hipster, mais pourquoi pas, tu vois, Bodo. En fait, c'est surtout le déplacement dans le cercle polaire, tout là-haut au nord. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Sur leur synthétique. Faut s'accrocher, ouais. Ouais, ouais. Surtout qu'au Portugal, à ce moment, il fait bon, mais c'est un affaire bizarre. Bah, les Sporting, ouais, mais. Petite douche, qui est impressionnant au Portugal depuis, 2 ans à peu près. Qui est vraiment très bon, qui fait partie de maintenant presque la meilleure équipe du Portugal, alors peut-être moins cette année, mais non, c'est pour ça que ça va être une double confrontation intéressante aussi entre ces deux-là. Donc mercredi également, et puis on aura Leverkusen Arsenal pour terminer, donc le mercredi également. Voilà, on verra. Leverkusen est un petit peu, voilà, qui est un petit peu en dessous, je pense, pour moi, hein, dans cette confrontation. Après, voilà, on sait pas, Arsenal, s'il commence à s'écrouler un petit peu, à part là, ce week-end, mais sinon, ces dernières semaines, c'était moins bien, donc, on verra. Donc là, ce sera mercredi. Voilà pour ces huitièmes. Bon, il y a de quoi faire, quand même, hein. Y a de quoi regarder, hein. Il y a de quoi regarder. Derrière aussi l'Europa League, donc, Ouais, Europa League, Lille qui s'est qualifiée, ça, c'est chouette. C'est une chouette nouvelle. Après une victoire, bon, à l'arraché, hein, voilà, aux prolongations face à Belgrade, mais ça passe. Donc pour Lille qui va se qualifier donc pour les huitièmes et qui affrontera. Alors ça c'est plutôt sympa. Le tirage a été clément cette fois, pas comme en Ligue des Champions. On n'aura pas la confrontation entre les deux Français. Alors Lille face à Villa, ça va être très compliqué. On se cache pas. Villa qui est très bien en première ligue, qui ont fini premier de Ligue Europa, mais J'ai eu un peu peur quand t'as dit tirage sympa quand même. Je me réjouis pas non, forcément pour les Lillois. Sympa mais parce que. Mais je suis content qu'on. Ça aurait été dommage. Ouais, club français. Ça aurait été dommage de retrouver encore deux clubs français l'un contre l'autre. Même si contre Villa, ouais, ça va être un gros défi. Puis Lyon, c'est Tavigo. Bon, je pense qu'ils ont Lyon qui a les armes pour passer. Hein. très clairement. Les armes, oui, mais mine de rien, les confrontations de Lyon pendant la phase régulière de championnat, c'est contre tous les derniers. Ils ont affronté une fois en top 8, ils ont perdu. C'était Fribourg, donc bon, c'est attention. Faut faire attention. Et encore une fois, j'attends de voir Lyon comment ils vont s'organiser pour enchaîner tous ces matchs aussi entre la Coupe de France, le championnat. C'est vrai qu'il y a une grosse calendrier. C'est pour ça, j'attends de voir ça aussi. Et tous les absents. Pour ça, je suis pas. Il va falloir qu'ils reviennent. Malik Fofana, ça fait 2-3 semaines maintenant qu'on pensait un retour, il est toujours pas là. Oui, ça va pas être évident pour les Lyonnais. Retour à domicile, c'est la bonne nouvelle. Lille ira en Angleterre pour le retour, donc ce sera évidemment compliqué pour les Lillois. Voilà pour la Ligue Europa. Puis on n'oublie pas Strasbourg aussi qui va. Ouais, vas-y. Un petit mot quand même sur. Bon, on y reviendra peut-être par rapport au match de ce week-end, mais sur la Roma. Oui, je l'avais vu, je voulais en parler, c'est vrai. Face à. J'ai oublié. Bologne. Face à Bologne, oui. Exactement. Une confrontation. Ils se connaissent. Italienne, oui, qui se connaissent très bien. Donc oui, ça c'est intéressant. On verra ce que ça va donner ce match pour la Roma. Et puis Strasbourg, voilà, qui va enfin jouer. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas joué du coup, puisqu'ils ont terminé un peu avant. Il y avait que 6 journées en Conference League. Donc ce sera d'abord un déplacement du côté de Rijeka. Je sais pas si on le prononce comme ça, le club croate. Donc ce sera donc jeudi. Voilà. Et puis, enfin, le jeudi 12 mars, et puis le retour à domicile à la Méno. Donc ça, c'est pareil, c'est intéressant pour eux. Sans doute qu'ils avaient fini première, donc ça devrait le faire normalement pour Strasbourg, hein, qui est toujours dans les premières, enfin qui joue en tout cas les premières places en Ligue 1. Voilà, donc ce sera le jeudi ce match-là. De la semaine prochaine. Voilà pour notre tour d'Europe. Alors les directs, c'est la mi-temps. En Ligue 2, donc pas de but, hein, entre Amiens et 3. Ouais, toujours 0-0, ouais, toujours. Udinese mène 1-0 face à la Fondation, c'est la mi-temps également. Et puis, donc, Real Retafe, bah, pas de but pour l'ensemble. Est-ce que, alors, une petite tendance, si tu as pu regarder un peu le match, qu'est-ce que ça donne ce match pour le Real? Oui, non, c'est quand même le Real qui a le ballon et qui s'est installé dans le camp de Retafe, dans ce petit derby madrilène, mais pour l'instant, pas de grande dangerosité non plus. La Vinicius qui a eu notamment une occasion il y a 15-20 minutes, mais on n'est pas encore une fois sur un grand Real ce soir. Ok, bon, à suivre pour la suite de ce match. Allez, on démarre notre tour d'Europe. On va commencer en Allemagne avec cette 24e journée. Bien sûr, on va se garder Dortmund-Bayern pour après, pour la suite. On avait d'abord le Bayer Leverkusen qui n'a pas réussi à s'imposer face à Mayence et qui a même failli perdre dans cette rencontre et voilà, qui n'avance plus au classement, hein, qui est 6e. Un partout et donc qui est revenu dans les toutes dernières secondes du match, hein, dernière minute. Ouais, ben c'est vrai que Leverkusen était, on va dire dernièrement sur une bonne dynamique. Alors sur les 3 derniers matchs, là, il n'y a pas eu de victoire. Alors, si je compte également le barrage retour en C1 contre l'Olympiakos, alors qu'ils n'ont pas forcément joué à 100%, mais c'est vrai que là, ils enchaînent 2 matchs sans victoire en championnat et c'est vrai que les points filent. Donc faut faire attention. Leverkusen, oui, je l'avais dit avant, qui était comme dans une bonne dynamique en championnat avant ces 2 matchs-là. Mais ils n'ont toujours pas su vraiment raccrocher le top 5. Et là, oui, maintenant, ils ont toujours le fameux match de retard qui rattrape cette semaine, du coup, hein, c'est ça? Oui, c'est cette semaine qui va se jouer. Alors, je retrouve ça. Ils se déplacent à Hambourg. Ouais, merci. Ce sera mercredi, je crois. Voilà, mercredi, donc... C'est forcément 3 points qui sont primordiaux. Il faut absolument trouver le chemin de la victoire pour eux parce que sous peine, alors pas de le voir non plus s'échapper. Ce top 5 est encore des matchs, évidemment, mais dans cette mauvaise tendance qu'ils ont actuellement, c'est vrai que là, il faut choper les 3 points avec ce petit joker, si j'ose dire, qu'ils ont là, avec ce match en retard. Donc, il va vraiment falloir se rattraper dès cette semaine parce qu'effectivement, cette déroute-là, à domicile contre Mayence quand même, Mayence qui est vraiment dans le ventre mou, ouais, qui joue le maintien totalement, donc c'est vraiment une contre-performance, mais c'est un petit peu l'histoire de leur saison depuis août dernier, quoi. C'est des grands chaînes à l'extérieur aussi, en déplacement surtout, très compliqué. Ouais, on l'a vu ça, ouais, aussi depuis mis à part un match gagné à Francfort avec un carton rouge, la dernière victoire à l'extérieur c'est en décembre. Donc ça commence à faire. C'est pour ça que c'était un match à gagner totalement ce week-end à domicile face, encore une fois, une équipe qui se bat pour le maintien. Donc ouais, franchement, c'est une grosse contre-performance. Ils sont pas passés loin non plus de ne pas prendre de points du tout sur ce match-là, hein, avec ce but de Kwanza à la 88e. Donc ouais, effectivement, là, c'est pas vite pouvoir se réagir, d'être mobilisé dès mercredi, parce que c'est ouais, ça peut être compliqué après. Très bien, on enchaîne avec ce classique Dortmund Bayern, c'était samedi soir, et le Bayern qui a allez, une main sur le titre presque, hein, avec cette victoire. Je dirais une main et demie, je dirais. Ouais. Au moins 7-8 doigts, je dirais. Et ouais, gros, quel scénario, mais c'est le Bayern qui s'en sort encore. Ouais, bah, comme à la fin sur le Bayern qui gagne, de toute façon, ouais, classique de fond entre le BVB et le Bayern. Puis on le disait tout à l'heure, à l'inverse, c'est une sale semaine pour Dortmund, effectivement, qui perd, on peut ouais. le dire, non, définitivement quand même, hein, presque la Bundesliga, ah, du coup, quelques jours après cette élimination, donc ouais, on dit contre l'Atalanta en barrage de LDC. Et puis en C1, on l'a pas trop dit tout à l'heure, mais en C1, le facteur X de l'élimination, c'était un peu Ben Sebaini avec sa faute et le penalty provoqué pour l'Atalanta en toute fin de match, à la 90+8. Et là, ce week-end, contre le Bayern, le facteur X, c'était un peu, je pense, on peut le dire, Nico Schlotterbeck qui a miraculeusement échappé à un carton rouge autour de la 20e pour un tacle appuyé sur la cheville de Stanisic. Bon, je sais pas si vous avez vu l'action, les gars, mais pour moi, c'était rouge, forcément, cette action, mais je pense que l'arbitre, il a pas voulu tuer le match, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais. Non. non, pas avec ça. Mais, non, mais pour moi, c'était rouge directement, là, à la 20e minute, et oui, je pense vraiment que l'arbitre, ils ont pas voulu, même à la VAR, ils ont pas voulu tuer le match dès la 20e. Alors, moi, je me suis déjà exprimé plusieurs fois ici là-dessus, hein, sur ce genre de sujet. Pour moi, un rouge, c'est un rouge, et malheureusement, même quand c'est un fait de jeu comme ça, c'est ça, non? je crois que c'est ça. Hein. Non, mais faut qu'il soit appelé dans ces cas-là, c'est tout. Quitte à prendre le temps. Bah, c'est ce qu'il a descendu. Oui. Hein, il a dû l'avoir, etc. Mais ça n'a pas été fait, et le jaune a juste été mis. Donc, pour ça que moi, j'ai du mal à comprendre quand même. Alors oui, je suis d'accord, même en tant que spectateur, téléspectateur, t'as envie de voir un grand match entre deux équipes qui sont en forme et c'est le match du titre, évidemment. Maintenant, ben voilà, un fait de jeu, c'est un fait de jeu. S'il y a un rouge, ben il y a un rouge, c'est tout, c'est comme ça. Il y a un fait de jeu, c'est un fait de jeu. Il y a un jaune, c'est un jaune, et un rouge, c'est un rouge. Ah non, mais sinon, tout est permis, quoi. Oui, ben vrai, la jambe de l'adversaire, c'est pas grave, c'est que t'as gardé. On est lundi. mais voilà, donc ce même Schlotterbeck qui va rester sur le terrain et qui va ouvrir le score quelques minutes après sur corner de la tête. Et on sait d'ailleurs à quel point le Borussia Dortmund est bon dans les airs et puis sur corner, on le souligne depuis plusieurs semaines déjà. Et puis c'est encore Schlotterbeck, encore lui, qui va faire parler de lui en causant un penalty à son équipe pour le doublé d'Harry Kane et le 2-1 pour le Bayern à la 70e. Parce qu'avant ça, Kane avait égalisé à la 54e, je ne l'ai pas précisé, grâce à une belle remise dans la surface de Serge Gnabry, et d'ailleurs c'était un choix fort de Vincent Kompany de titulariser Serge Gnabry et de laisser Jamal Musiala sur le banc, et donc à 2-1 pour le Bayern, le match qui va encore gagner en intensité, et c'est Svensson qui va égaliser pour Dortmund à la 83e pour relancer totalement le suspense, même si ce suspense il va être de courte durée, à peine 5 minutes plus tard, grâce ou à cause de Kimmich qui va claquer une reprise du gauche tête du pied après une relance de la tête de Jude Bellingham qui va revenir sur le milieu allemand. Donc ouais, globalement voilà, un gros match avec beaucoup d'intensité, comme je trouve dernièrement, en tout cas dans les grands championnats, hein, je mets de côté l'enjeu des Coupes d'Europe et des matchs à élimination directe. Et donc ouais, le Bayern qui file tout droit vers un nouveau titre de champion, et puis Dortmund, je le disais, qui se plonge dans une sale période après leur élimination en C1 et la perte quasi assurée de cette Bundes. Et puis je parlais du choix fort de Kompany de laisser Musiala sur le banc. Je pense, messieurs, qu'on peut discuter des choix de Niko Kovac aussi, de laisser Guirassy, Bellingham, Ben Sebaini ou même Julian Brandt avec des têtes piliers comme ça, de laisser ces joueurs-là sur le banc sur ce match du titre. Guirassy, ouais, qui n'est pas titulaire, ouais, c'est incroyable, c'est assez fou. Qui revient très fort en plus. Il y a peut-être l'histoire du Ramadan, du fait que bon, moi j'y crois moyen. Enfin bon, en tout cas, c'est pas une bonne excuse, hein, si c'est la vraie excuse, mais de Ben Sebaini ou Guirassy, on va dire, c'est pas que Guirassy qui est concerné par le jeune, mais. Sur un match comme ça, tu dois, enfin, au moins Guirassy, qui est dans une bonne forme, moi je disais Rémi depuis quelques semaines, il a retrouvé un petit peu son niveau de jeu et il s'en a marqué, enchaîner les bonnes prestations. Donc là, c'était un peu incompréhensible de voir Fabio Silva. Que ce Borussia Dortmund-là, en fait, fait presque une saison de champion. Enfin, s'il n'y avait pas justement le Bayern stratosphérique, concrètement, c'est une saison où tu peux aller la prendre, mais là, c'est juste un joueur. Ouais, mais pour ça, j'ai pas compris ce choix-là, quoi. Bon, en tout cas, le Bayern, moi, qui a fait un grand pas vers le titre. Un bond de géant. Ensuite, donc, on a le Hoffenheim, qui a perdu, troisième, qui a perdu à 5 Pauli. Ça, c'est pas un bon résultat, face à qui est plus lanterne rouge, du coup, mais qui était barragiste. Donc voilà, c'est vraiment pas un bon résultat pour Hoffenheim, qui reste néanmoins troisième, mais qui voit Stuttgart revenir à égalité, Leipzig revenir à deux points. Donc, alors messieurs, ouverture du score, ce coup prévis de Retafé, j'ai pas vu le but, mais vu l'engouement de Benjamin da Silva, c'est le direct, le confrère de Beansport, je pense que c'est un beau but. Les buts à 541. Bon ben voilà, c'est parti, ce match c'est lancé. Et but de Satriano. De Satriano. Ok. Ah. Bon bah zéro. Tu vois, à Lyon, hein, pour non mais qui était très critiqué à Lyon il y a encore quelques semaines. Bah c'est ultra critiqué en pour plus. Pour ça je précise. Très bien. Bon bah voilà, c'est lancé ce match. Donc voilà, on disait donc Leipzig qui revient du coup à deux points puisque Leipzig a gagné, c'était hier soir hein, à Hambourg 2-1, donc qui grappille. Hein, et puis donc Stuttgart de son côté qui écrasait Wolfsburg 4-0 hein, face à l'équipe qui est avant-dernier, donc très très logique, donc pas de changement, en tout cas pas de mouvement dans le top 6. On reste avec le Bayern leader 63 points, Dortmund deuxième 53, Hoffenheim et Stuttgart sont ensuite 3e et 4e avec 46 points, Leipzig est 5e 45 points, et c'est Leverkusen qui ferme ce top 6 avec 40 points, qui est pas totalement décroché pour la Ligue des Champions mais qui a un petit peu de retard. Francfort de son côté reste 7e avec 34 points puisque Francfort a battu Fribourg, c'était un match en jeu hein, entre ces deux-là qui était très proche, du coup Francfort passe devant son adversaire du jour, donc très belle opération. Et on le disait, Leverkusen qui jouera son match de retard cette semaine pour essayer de tout simplement revenir à un point du top 5, donc c'est un match très important, vous l'avez dit, pour la suite de cette saison. Et en bas, donc Barajis c'est Brême avec 22 points, Wolfsburg est 17e avec 20 points, et Eindhoven est dernier avec 14 points. Bon, sans trop de, on va pas trop s'avancer, mais Eindhoven qui va pas rester hein, qui va pas rester là hein, dans cette fin de saison. Allez, un coup d'œil sur ce qui nous attend ce week-end. Donc le Bayern jouera le premier vendredi soir pour une fois face à Mönchengladbach qui est 12e, donc voilà, c'est normalement une routine pour le Bayern. Alors on peut peut-être cocher ce Fribourg-Bayern, même si Fribourg est un petit peu décroché, mais finalement ils sont encore en course quand même pour aller chercher quelque chose. Ouais, bon, oui. C'est vraiment le match hipster là. Si on veut en choisir un, quoi. Ouais, oui. Parce que après, on te l'accorde celui-là, mais c'est bien. Tu prends quoi alors après, sinon? C'est pas grand-chose. Hein. Spécialement, c'est vrai qu'il y a pas de rien, ce week-end, ça peut arriver hein, finalement. Ça Si on veut se regarder un petit un match où il y a un peu d'enjeu. Oui, Fribourg peut toujours espérer la prochaine place en Europe, mais bon, voilà, c'est sûr qu'en plus Fribourg, oui, est quand même pas mal décroché. Tu le disais au classement, ils ont quand même 7 points de retard, pardon, sur les Leverkusen. Bon, qui joue en plus cette semaine. Ouais. Et en plus, les Leverkusen tient quand même 3 points. Tu le disais, oui, cette semaine, c'est encore plus décroché. Donc oui, bon, je te l'accorde. Allez, si tu pourquoi veux, pas. Allez. Allez, on prend. Voilà pour l'Allemagne, l'Italie justement, on y va maintenant. C'est la pause, ça va reprendre dans quelques minutes pour donc Udinese Fiorentina, hein, c'est pratiquement la reprise. Amiens 3 aussi, ça va reprendre. Et puis donc bientôt la pause pour le Real. La Serie A, c'était la 27e journée de Serie A avec donc tous les gros j'allais dire, je veux pas l'un contre l'autre, si on avait quand même un Roma Juve, on va parler en dernier. Mais c'était le Napoli parmi les gros qui jouait le premier face à Vérone, déplacement à Vérone. Victoire 2-1 pour le Napoli hein, qui va s'en sortir dans ce match. Alors c'est parti très très vite, hein. Deuxième minute de jeu, c'est le Napoli qui va ouvrir le score par Ojlun qui va marquer de la tête, donc très rapidement, qui se met dans les bonnes dispositions le Napoli. Et ensuite le Napoli qui a plusieurs occasions de doubler la mise hein, jusqu'à la mi-temps. Et même un petit peu au début de seconde, et puis finalement c'est Vérone qui va un petit peu surprendre le Napoli avec une égalisation à l'heure de jeu. C'est l'intermédiaire de Akpro qui va donc égaliser, une grosse frappe qui va être contrée par un défenseur du Napoli malheureux qui va voir ce ballon rentrer, et puis Naples va s'en sortir en toute fin de match. C'est Lukaku qui va enfin le premier but, ouais. Ça y est, ça faisait un moment hein. But ultra important en plus. Ah bah oui, pour la victoire là, donc 2-1, et qui va prendre un centre donc, et qui va permettre à Napoli de rester dans le coup hein, pour la Ligue des Champions, voilà, qui est toujours bien placé troisième. Donc c'était très important, surtout qu'on le verra, tout le monde a gagné aux alentours, à part la Roma, mais sinon tout le monde a gagné. Donc c'était très important pour cette équipe de Napoli de s'imposer. Le leader, l'Inter, qui jouait juste après un samedi soir. Réception du Genoa, une équipe mal classée, un 15e qui joue voilà toujours le maintien. Ils ont 3 points d'avance sur la zone rouge, donc match aussi important pour le Genoa, déplacement compliqué. Grosse domination de l'Inter, hein, énormément d'occasions en première période. Une barre est aussi touchée dans cette première période. C'est très logiquement que l'Inter va ouvrir le score. À la demi-heure de jeu, c'est Di Marco qui va ouvrir le score. Dans cette rencontre, ce qui intervient à la 31e minute, donc à la demi-heure de jeu. Donc tout très logiquement, ensuite il va pas se passer grand-chose, il va falloir attendre la 70e pour voir une nouvelle occasion pour l'Inter. C'est un penalty qui va être sifflé suite à une main dans la surface et deuxième but. Kalanoglu qui va tromper le gardien à contre-pied, donc 2-0. Score logique, hein, il y aura pu avoir plus de buts pour l'Inter, mais voilà, service minimum. Qui enchaîne une 8e victoire en championnat et qui va se reprendre un peu après son élimination face à Bodoglimt en Ligue des Champions. Donc voilà, l'Inter qui reprend tranquillement le rythme après cette petite déroute en Ligue des Champions. On passe à dimanche. On avait le Milan qui devait gagner pour suivre le rythme de l'Inter, même si est-ce qu'on peut encore parler de course au titre pour le Milan. Je suis pas sûr, même malgré que l'Inter. Ils sont tous les deux plus que la Serie A aussi, quasiment. Enfin, en tout cas, l'Inter. Oui. Depuis la Ligue des Champions, ça a l'air d'être tout droit, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc le Milan qui se déplaçait à Cremonese. Là aussi une équipe à la peine, hein, qui joue aussi le maintien. Victoire très logique encore une fois du Milan, 2-0. Là, on a tenté énormément de fois dans ce match, hein, notamment Rafael Leao qui aura eu plusieurs occasions de marquer. Mais il va falloir attendre la 90e minute. C'est Pavlovic qui va enfin ouvrir la marque sur une tête puissante. Et puis Leao qui va finir quand même par marquer son but 4 minutes plus tard, donc dans les dernières secondes, hein, un 2 contre 1. Voilà, il n'y a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets, donc très logique ce deuxième but pour Leao et cette victoire logique, hein, et je veux dire au niveau des chiffres, il y a rien à dire, hein, le Milan qui a dominé vraiment cette rencontre et qui donc s'impose 2-0 pardon. Le Milan qui suit le rythme du Inter, même si bon, ça sera compliqué, mais en tout cas qui reste bien en avance pour donc la Ligue des Champions. Et puis on termine avec ce choc, hein, la Roma face à la Juve. C'était vraiment le choc de cette journée, c'était hier soir. Scénario fou dans ce match, hein, qui va se terminer par un match nul, qui va forcément arranger personne, parce qu'on l'a dit, tout le monde a gagné devant. Et aussi Com qui a gagné derrière, donc c'est vraiment ça arrange vraiment personne ce résultat. Une première période qui quand même globalement méritait, enfin, à l'avantage de la Roma, qui va se procurer vraiment deux grosses occasions dans les 20 premières, avec à chaque fois deux arrêts de Mathia Bérin, le gardien de la Juve, et enfin une domination qui va se concrétiser très logiquement par un but avant la pause, une superbe frappe de Wesley, c'est le latéral brésilien des Romains, qui sera touché par le gardien, mais c'est pas suffisant. 1-0 à la mi-temps pour la Roma, très logique. La Juve qui va revenir avec de bien meilleures intentions en début de deuxième, hein, ça va arriver très vite, 48e égalisation, un missile de Conceição. Un but à la Pavard, je vous invite à aller le voir. Hein. C'est vraiment un copier-coller du but de Pavard en 2018. Hein. C'est l'Argentine. Entrée de surface, un peu excentrée à droite. Reprise de la gauche, extérieure. Et but dans lucarne. Magnifique, rien à dire. Un partout. Ensuite, ça va s'accélérer. Hein. Nouveau but de la Roma à la 54e. Ntinka, d'ailleurs, qui va... Déjà buteur le week-end dernier, qui va surgir dans la surface. C'est un centre millimétré de Pellegrini. Donc 2-1 pour la Roma. Le break ensuite dans la foulée un petit peu plus tard, la 75e, grosse inspiration de Manu Gonnet qui va délivrer une passe décisive de 60 mètres pour Malen, qui va se présenter seul face au gardien et qui va marquer d'un piqué, rien à dire, but de décolle, 3-1. Donc on pensait le match plié, et puis finalement la Juve qui a pas abdiqué, qui va revenir une première fois grâce à Jérémy Boga à 3-2, donc à 10 minutes de la fin, et puis dernière minute de jeu, c'est Gatti qui va égaliser en reprenant un ballon après un cafouillage dans la surface. 3 partout, score final. Voilà, ça arrange personne ces résultats, puisque la Roma voit Com revenir à 3 points, puis la Juve perd sa 5e place justement aux dépens de Com. Donc vraiment pas un bon résultat surtout pour la Juve, hein, qui c'est vrai qu'il est un peu en dents de scie depuis quelques temps. Il a fallu, ça leur a fait bien de gagner ce match, mais au vu du scénario, la Juve s'en sort quand même plutôt bien avec un point. Et puis tiens, à noter que Côme justement donc, repasse cinquième au profit de sa victoire face à Lecce en début de week-end, donc samedi, donc qui passe cinquième et la Juve qui glisse sixième. C'est le seul changement dans le top 10. Hein. Il n'y a pas eu d'autre mouvement. Il y a eu très très peu de mouvement dans ce classement cette semaine d'ailleurs. L'Inter est leader 67 points, le Milan donc deuxième 57, le Napoli troisième 53, la Roma donc est quatrième 51 points, Côme je vous le disais passe cinquième 48 points pour la Juve sixième 47, Bergame est septième 45. Et c'est un classement qui a jour, ça y est, tout le monde a joué, hein. Enfin tout le monde a joué ses matchs de retard, donc là il y a plus rien à rattraper dans cette journée. Udinese Fiorentina Naturin 0, 49e, Amiens 3 bien sûr tu suis pour nous, pas de but pour l'instant, 51e. Puis c'est pratiquement la mi-temps en Espagne hein, pour le Real. Ouais, ça devrait être sifflé dans quelques secondes, ouais. Très bien. Allez, on va enchaîner avec eh bien l'Espagne. L'Espagne est donc tiens, cette semaine, avant de conclure, en Italie, demi-finale aller de la Coupe d'Italie. Justement, ça concerne l'Inter hein, qui a encore ça à jouer face à Côme, qui est en bonne forme aussi en ce moment. Ça va être un match intéressant. C'est demain soir cette rencontre à 21h, donc à Côme pour commencer, puisqu'il y a un match retour le 22 avril. Il y aura le temps de ce sera un autre match hein, puisque il y aura une autre peut-être dynamique. Et puis mercredi, ce sera la Lazio à la peine en championnat. Hein, la Lazio qui est très très loin en championnat. Hein, qui, c'est plus compliqué. Ouais, ça fait un petit peu. Ouais. Qui est dixième, hein, qui jouera rien cette saison, qui reçoit Bergame. Et qui pourrait tout mettre justement sur la coupe avec l'Atalanta qui est encore en Ligue des Champions. Ouais. Il y a peut-être la magie de la coupe, comme on dit. Bah ouais. Bergame qui en range très dans le coup pour jouer quelque chose cette saison. Donc voilà, match aller mercredi, voilà, et à Rome. Donc cette rencontre aller. Ouverture du score de l'Estac, messieurs, en Ligue 2. Ah bien. Qui reprend la tête du classement. La tête de la Ligue 2. En direct. C'est fou ce multiplex. C'est un micro-multiplex de 3 matchs. Et par contre, j'ai revu l'ouverture du score de Getafe. Effectivement, le but est sublime. Une reprise de volée juste à l'extérieur de la surface qui finit en pleine lunette. Magnifique aussi, vous êtes allé le voir. Et j'ai oublié de dire, Rémi, aussi, ce week-end, ce qui nous attend en Italie, c'est notamment le derby de la Madonnina. Oui, Milan et l'Inter. C'est vrai que la journée à venir, Milan-Inter. Donc, dans quel stade? Attends, je me dis pas, c'est dans quel stade on joue, ça joue, les gars? Ce match. C'est même. Ah oui, mais alors, c'est lequel, du coup? Alors, t'as dit quoi? C'est l'AC Milan qui reçoit, hein, ouais. C'est ça? Oui, c'est le Siro. Ouais, okay. Ça va. Petit test. Pour voir si ça c'est un petit test, savoir si on peut revenir, en fait. C'est ça. Donc ça, ce sera quand? Ce sera pour finir la dimanche soirée. Bah oui, forcément. Et c'est tout. Et si ça avait été à l'Inter, ce serait qui, Rémi? Giuseppe Meazza. Bien joué. Bah quand même. T'as raison. Faut c'est ouais, c'est ça le gros match. Après, il y a pas de grosse affiche dans cette journée. Allez, l'Espagne. Allez, 22h, faut qu'on accélère un petit peu l'Espagne. Pas que ça. Avec donc pas le Barça. Qui reçoit Villarreal. On l'a dit tout à l'heure, on a un petit teasé ce triplé. On a fait pas mal de teasing en plus sur le Barça, il est là. C'est ça. Triplé de Yamal, voilà, qui permet au Barça de rester aux commandes de ce classement. Hugo. Ouais, grâce effectivement, on l'a dit, à Lamine Yamal de Gala, auteur d'un triplé. C'est le tout premier dans sa carrière, quand même, faut le souligner. Oui, c'est vrai. Et c'est plus. Enfin, il l'a fait plus jeune que Léo Messi. Léo Messi qui avait fait son premier triplé, alors j'ai plus le nombre de jours exact, mais à 19 ans et quelques. Et donc Yamal a 18 ans et quelques. Est-ce que vous savez contre qui c'était Lionel Messi, son premier triplé? Oh, ah, ça c'est une bonne question, ça. Alors, moi, vous laisse 5 secondes. Alors, en Liga, du coup. C'était en Liga. Oui, en Liga, ouais. Alors, un club, Alex. Un club, à part dire vraiment le pif. C'est le Real Madrid. Ah, mais en plus, j'allais dire Real, au hasard, mais... La légende. Ouais, c'était le Real. Alors, bon, c'est un peu plus huppé que Villarreal, mais Villarreal qui est dans une bonne saison quand même jusqu'ici en Liga. Donc, c'était son premier triplé à Yamal. Mention spéciale, je trouve, à son ouverture de pied et ses plats du pied à Yamal hein, sur le premier et le troisième but. C'était assez dingue. Et puis, que dire du deuxième où il va mystifier la défense de Villarreal en, en rentrant dans la surface côté droit, en éliminant deux défenseurs avec deux crochets qui sont un peu longs, certes, mais qui va réussir à gérer grâce notamment à sa vivacité, à sa rapidité d'exécution, et puis claquer une frappe dans la lucarne opposée. Voilà, vraiment un superbe but, même si je pense que, en vrai, Luis Junior, le gardien brésilien de Villarreal, je pense qu'il aurait pu mieux faire sur cette frappe quand même, qui touche en avril la dévie, et je pense qu'il aurait pu faire un peu mieux. Et je pense quand même que aussi le Barça, on a dit qu'ils ont fait une victoire écrasante, 4-1, forcément, sur le papier, c'est sûr que c'est écrasé Villarreal, mais je pense que le Barça s'est fait un peu peur en début de seconde période. Il y avait 2-0 à ce moment-là, Pape Gueye, le champion d'Afrique sénégalais, va réduire l'écart à 2-1 à la 49e, et puis seulement 5 minutes plus tard, le gardien catalan, Juan Garcia, qui va manquer une sortie lointaine, et Ayoze Perez, un attaquant de Villarreal, qui va tenter une frappe de loin dans le but vide et qui va pas passer loin du tout. Et on sentait que c'était un moment charnière à ce moment-là parce que les esprits sont échauffés, surtout parce que les Barcelonais réclamaient une faute sur Yamal au début de cette action. Et il y aura d'ailleurs friction à cet instant entre Hansi Flick et Marcelino qui vont tous deux hériter d'un carton jaune. Mais voilà, donc il y a eu ce petit moment de flottement pour le Barça là, et les 10-15 avec 10 minutes après le coup d'envoi de la seconde période où c'est un petit peu douté. Et donc après le Barça qui va reprendre le fil du match et donc Yamal mettra son triplé à la 69e avant que Lewandowski y aille de son but dans le temps additionnel. Donc on disait 4 points d'avance pour le Barça sur le rival madrilène avant le match donc de et pour l'instant qu'il les a toujours et pour l'instant qu'il les a toujours ouais, effectivement avec c'est 1-0 pour Getafe. Et Villarreal donc qui chute du podium puisque on va en parler dans quelques secondes, mais l'Atlético a gagné de son côté. Ouais, Atlético, rapidement, tu l'as dit, c'était un match un petit peu moyen pour l'Atlético qui s'en sort, mais ça a pas été simple. Ouais, non, match médiocre hein, de l'Atlético. Comme je le dis, hein, comme d'hab, un match sur deux, c'est un peu ça. Mais bon, en même temps, ils assurent le minimum, ces 3 points-là quand même. C'est sûr qu'ils, je pense qu'ils privilégient maintenant la coupe et la LDC, mais quand bien même, quoi. Quand t'es l'Atlético, je pense que tu dois forcément mieux faire face à la lanterne rouge. Hein. Oviedo, c'est un seul match gagné sur les 19 derniers joués, en comptant celui-ci. Donc c'est voilà, tu dois forcément mieux faire que gagner 1-0 dans les toutes dernières secondes du match. Quand t'es l'Atlético, quand t'es le troisième budget forcément de la Liga. Et surtout que l'Atlético a quand même attendu la 92e minute pour cadrer son premier tir, les amis. Donc c'est quand même chaud, vraiment, ce match. C'était un bon vieux match de l'Atlético, bien pourri, comme on en fait encore de temps en temps. Donc c'était assez attristant de voir ça. Et 2 minutes après, donc c'est Julian Alvarez hein, qui va sauver les Colchoneros pour le 1-0. Même si je pense que pour moi, ça devait remettre la palme du sauveur. Je mettrais plutôt le rôle à Ian Oblak qui a fait son match dans les buts parce que franchement le Real Oviedo ils ont vraiment été dangereux et ils ont fait un très bon match donc voilà, je pense notamment aux assauts de l'attaquant Vignas, du français Hassan ou encore Ilias Chaira qui a vraiment eu des belles actions de marquer. Malheureusement ça n'a pas été le cas pour eux. Et petite mention spéciale aussi parce que j'avais complètement oublié qu'ils jouaient là-bas maintenant à Santi Cazorla. Ah oui, c'est eux qui sont montés l'année dernière avec Cazorla capitaine sur le penalty. Il a 41 ans les mecs. Et titulaire, là il est rentré à la 4e, mais il a fait une belle entrée avec des belles passes, c'est très intéressant franchement. Et tu parlais de Ian Oblak, ça fait combien de temps qu'il joue à Madrid? Bon, c'est bien 10 ans. C'est un moment, au moins, oui. Sûr, au moins, parce que au moins 10 ans. 2015, il était là. Ah bah, pour ouais. Lors du ouais. Ah, ouais. Ouais, une petite dizaine d'années, ouais, je pense. Ouais, ça commence à faire un petit peu. Hein. Ian Oblak, ouais. 2014, ça fait 12 ans. Il est pas si vieux. Non, plus il est pas. Pour un gardien, c'est. Pour un gardien, c'est. Longévité, c'est. Il a 33 ans. Bon, ouais. Là, il peut encore jouer 10 ans. J'exagère, mais au moins 5-6 ans. Oui, mais oui, encore quelques années. Très bien. Pour ce classement, tu l'as dit. Donc le Barça 64, le Real 60. L'Atlético est 3ème, soit 51. Villarreal donc chute puisque Villarreal de son côté eh bien, pardon de t'interrompre Rémi, parce que c'était peut-être la dernière fois qu'on voyait aussi Griezmann sous le maillot Colchoneros aussi. C'est vrai qui est annoncé en partance pour la MLS. Pour la MLS malheureusement. C'était déjà un peu pressenti la saison passée donc il a fait il y a encore de l'espoir pour que son tout dernier match soit à domicile quand même à Madrid, mais bon on verra ça très prochainement, mais c'était peut-être quand même les dernières minutes qu'on le voyait, où on le voyait avec, avec son maillot rouge et blanc. Donc voilà, Villarreal, je disais, perd sa 4ème place, tu l'as dit, puisque tu parles Barça, le Betis, qui est loin, 5ème 43, hein, le top 4 est bien ancré hein, dans ce classement. Donc Mallorca, Clemente, tu l'as dit, Oviedo, donc toujours en tenue rouge et qui va, qui n'arrivera pas, ça semble compliqué pour se sauver quand même sur cette saison. La 27e journée qui nous attend dans cette Liga. Puis après, on vous parlera aussi des affiches de la Coupe d'Espagne, enfin la Coupe du Roi, puisque ce sera cette semaine, exactement. Le Real donc va se déplacer à Vigo. C'est à Vigo, ce sera vendredi soir. Atlético recevra la Real Sociedad et puis le Barça ira à Bilbao. Samedi soir. T'as dit vendredi, je crois. Le Real jouera vendredi soir, hein. Non, samedi. Ah d'accord, samedi. Bon bah samedi. Ok, j'avais vu vendredi, mais je suis peut-être trompé. Non, samedi à 21h et à 18h30, c'est l'Atlético samedi. Ok, bon bah très bien. Et puis le Barça donc samedi soir aussi. Très bien, bon. Non. Bah, attends, on n'a pas le même calendrier ou c'est... Ah bah je sais pas alors. Moi j'ai Barça dimanche 8 mars à 16h15. D'accord, bah je te parle les bonnes affiches alors. En tout cas, c'est ce week-end en tout cas. Voilà. Barcelone, c'est samedi. Hein. Ah bah non, c'est samedi, man. Oui, c'est samedi, mais quelle non, heure? Non, mais effectivement, d'accord. Ah, c'est bien samedi soir. Barcelone, en fait, c'est Atlético, Barcelone. Voilà, à l'Athletic Bilbao pour la Liga. À 21h. Yes. Voilà, c'est bien ça. Donc le Real joue bien vendredi soir. Oui. Voilà. Mais tu vas voir chez nos confrères de l'équipe, on les embrasse, mais. Si tu vas dans la partie foot Espagne et que tu vas dans le calendrier, c'est pas du tout les bons jours que quand tu vas dans les matchs en direct. Non, non, c'est pas. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais bon. Voilà. Tiens, but à. En Ligue 2. 3 qui confortent. Oui, tout à fait, oui. Ça, du coup, j'ai jamais dans au stade dans de la licorne. Non, c'est. Oui. Ouais. Ah, si, à bien. Ouais, j'y suis allé, les gars. Et ce week-end, je vais au MMA. Non, c'est quoi? MMA Arena. MMA Arena. Le Mans. Oui. Le Mans, c'est ça? Oui. Ouais. Merci pour ton intervention, en tout cas. Très sympa. Ouais, 2 euros pour les stacks, on vient de passer l'heure de jeu. Donc, c'est une très belle opération pour l'instant pour les Troyens. Ouais. Allez, la Coupe du Roi, donc cette semaine. Donc, c'est demi-finale retour. Avec la Real Sociedad qui reçoit Bilbao. C'est eux qui avaient gagné 1-0 à l'aller. Donc, tout est encore possible dans cette rencontre. C'est. Donc mercredi soir ça, et puis donc demain soir c'est bien sûr ce Barcelone Atlético Madrid avec le 4-0 à l'aller. Qu'est-ce qui peut se passer au retour? C'est la question. Il faudrait être devant la télé demain soir 21h pour le savoir, pour savoir connaître l'affiche de cette finale. Allez, on termine avec l'Angleterre, le Tour d'Europe, et après on va revenir en France bien sûr pour évoquer nos championnats. La 28e journée en Angleterre. Et voilà, il y a eu du but ce week-end. Beaucoup de buts, beaucoup de matchs spectaculaires. Ouais. Aussi, bon, peut-être d'abord Liverpool. Samedi. Ouais, Liverpool samedi, ouais. Résultat peut-être un petit peu trompeur. Je sais pas ce que vous en avez pensé. 3-0 mi-temps, quand même. Beaucoup de coups de pied arrêtés. On en a eu énormément aussi ce week-end. Comme toujours, les équipes les travaillent. Mais pour revenir vraiment sur Liverpool, but tiqué donc Virgil et McAllister. McAllister, superbe demi-volée. 3-0, donc mi-temps. Normalement, tu lâches quasiment la manette. Mais là, c'était donc quand même un résultat assez trompeur. Deux équipes qui se tenaient. Mais c'est Liverpool qui a été le plus décisif directement à la mi-temps. Derrière, deux réductions du score. Donc Souzek après un magnifique centre qui se jette et Mavropanos encore une fois sur corner. Finalement donc West Ham qui va s'incliner 5-2 avec un contre son camp de Axel Disasi. Ouais, l'ancien monégasque. Exactement, qui a été prêté, qui est arrivé à retrouver un petit peu de temps de jeu. Malheureusement pour lui, voilà, il scelle vraiment le sort de son équipe à la 82e minute. Ouais, avec un but de Gakpo entre deux, ouais. Tout à fait. Voilà, donc 5-2, en tout cas Liverpool qui reste dans le coup, hein, pour cette Liverpool Ligue. Qui se retrouve voilà cinquième après cette journée-là, qui s'accroche quand même pour le top 3, notamment un beau Manchester United qui s'est donc incliné lui aussi, et enfin un Manchester imposé. United qui s'est imposé. Qui s'est imposé et qui redéveloppe quand même une force mentale, un esprit d'équipe, 2-1, en étant mené 1-0 après le but de Maxence Lacroix à la 4e minute. Bruno Fernandez, comme toujours, l'homme providentiel, sur pénalty, et Benjamin Sesko sur une tête magnifique. Il s'engage, il met tout son corps, bien gainé, et ça permet d'amener la victoire pour son équipe de Manchester United à domicile. Et enfin, la troisième place, on en parle peut-être un petit peu moins. Bien aidé par le carton rouge de la Croix, hein, le buteur. Tout à fait. Puisqu'à l'heure de jeu, ils ont fini à 10 le match, donc ça aide un peu, mais en tout cas... Le carton rouge aussi, de manière générale, cette journée. Sur notre Tour d'Europe, oui. Tout à fait, justement. On finira peut-être par le choc. Oui, Arsenal, bien sûr. Chelsea. Newcastle, à nouveau, qui chute, une nouvelle fois à domicile. Ils n'ont pas gagné chez eux depuis leur victoire 4-3 face à Leeds le 7 janvier. Quand même à noter, des problèmes récurrents dans la défense, un Pope en difficulté dans les cages. Donc 2-1 à la mi-temps avec des buts sur corner, une nouvelle fois de Braithwaite et Beto pour Everton. Jacob Ramsey, qui avait été égalisé entre temps à la 32e minute, son homologue Jacob Murphy cette fois-ci a égalisé à son tour à 10 minutes de la fin. Espoir, mais c'est le français, donc Thiemo Barry, voilà, qui vient directement à la suite du but donner la victoire cette fois-ci pour Everton. Manque de concentration, voilà, c'est ce qui résume un petit peu cette équipe de Newcastle, mais qui refuse jamais vraiment le jeu. Et qui Everton, qui pour le coup revient bien pour l'Europe, hein, qui est à 40 points, oui. Ouais, qui est pas très très loin. On le sait, 5 premiers sont Ligue des Champions, derrière il y a des places à prendre pour l'Europe, donc Everton qui fait un match intéressant. City qui a mis la pression, donc ils jouaient samedi avant Arsenal, justement, ouais, avant ce gros choc. Et ils ont fait le boulot à l'extérieur. Semenyo, encore une fois, qui a marqué juste avant la mi-temps, 45+2. Voilà, ils ont grosse passe de Cherki, hein, quand même aussi. Oui, toujours le fameux Ryan Cherki, voilà, qu'on attend, qui monte en puissance de plus en plus. Tu le disais d'ailleurs un petit peu plus tôt, Hugo. Ouais, donc City qui suit le rythme, hein, voilà, qui est vraiment bien installé à la deuxième place maintenant, et bon, voilà, qui est à l'affût du moindre faux pas d'Arsenal, qui n'a pas eu lieu, hein, dans ce choc anglais, dans ce choc de Londres, qui n'a pas eu lieu, mais qui n'a pas eu lieu grâce à Arsenal ou à cause de Chelsea, c'est un peu la question. Voilà, c'était encore une fois, comme tous les matchs de ce week-end, un duel de coups de pied arrêté. Liam Rosenior, première défaite en Première Ligue depuis qu'il est arrivé, encore face à Arsenal. C'est Saliba d'abord qui avait ouvert le score à la 20e minute dans un match assez équilibré. Corner très très bien tiré, voilà, spécialité depuis la saison dernière d'Arteta et de ses hommes. Deuxième poteau, Gabriel était lancé, magnifique remise de la tête pour notre ami William Saliba qui la met au fond. Voilà, dans le fond, c'était quand même un match serré. J'ai trouvé à la 30e minute, la seule différence entre les deux équipes, c'est Chelsea qui peut-être se projette pas suffisamment, alors que voilà, les Gunners sont pas forcément hésité à envoyer Victor Gyökeres en profondeur, aller percuter les défenseurs adverses. Avant la mi-temps, c'est encore une fois un corner, un magnifique arrêt de David Raya. Et sur le second corner, donc c'est Pierre Hincapié qui faisait un très bon match sur son côté gauche jusqu'à présent, qui le met malheureusement contre son camp. Chelsea quand même va s'écrouler à la fin, juste après le but de Timber sur coup de pied arrêté sur corner, vous l'aurez deviné. D'accord, oui. une nouvelle fois, voilà, et donc derrière le 9e carton rouge de Chelsea, enfin second carton jaune exactement pour Pedonetto. Comme la semaine dernière, ça les a coulés face à Burnley, et là ça les coule face à Arsenal. Ils étaient loin d'être ridicules quand même, ces Blues. Et ouais, et Arsenal qui conforte sa place de leader. Alors, rappelons que City... Un match de retard, voilà, pour City, qui virtuellement est à 2 points. Plutôt, ouais, Arsenal qui a un match d'avance, qui a joué en avance son match de... voilà, de, parce qu'il y aura la finale de la League Cup, hein, donc ils ont joué déjà son match. City qui... Pour l'instant, ils sont encore partout, oui. Ouais, City qui devra aussi rattraper ce match, puisqu'ils joueront cette finale. Pour l'instant, il n'a pas été programmé, hein, mais bah, ça va bientôt. Il joue, voilà, et donc surtout grosse journée quand même en milieu de semaine. Exactement. On va avoir une semaine de foot de manière générale, et surtout deux premières ligues dans la foulée. Il va falloir confirmer. Ouais, on va revenir sur ces deux journées. Avant cela, le classement. Donc, Arsenal, on l'a dit, leader 64 points. City, deuxième 59. United reste troisième 59. Alors, il n'y a pas de changement. En fait, il n'y a eu aucun changement de position dans ce classement. C'est rare. Mais il y en a qui se sont rapprochés, bien sûr. Mais il n'y a pas eu de changement de position. Villa reste quatrième malgré sa défaite en début de week-end à Wolverhampton. Petit faux pas hein, face à Lanterne Rouge. Alors, c'est terminé, Hugo, pour le record de Wolverhampton, qui est à 13 points. Ah, ça y est, je suis déçu. Qui ne battra pas Sunderland, mais c'est 12 points de l'an passé. Et qui a rattrapé. Là, en peu de temps, ils ont marqué très peu. Ah, vous suiviez ça. Ah ouais, on était depuis le début de saison. Deux, trois petites pièces. Et très peu de temps, ils ont marqué beaucoup de points. Et là, ils font le gros coup du week-end face à Villa, qui avait vraiment pas besoin de ça, hein, pour rester. Bon, ils restent quand même sur les marges de Ligue des Champions, mais. C'est un succès qui fait un peu tâche, une défaite qui fait un peu tâche quand même. Et surtout un Aston Villa Chelsea. Dans deux équipes, on ne sait pas à venir. Oui, c'est ça tout bah à ouais, fait. Bah ouais. Liverpool donc est 5e 48, Chelsea 6e c'est 45 points et puis donc on l'a dit en bas, hein, West Ham, Burnley et Wolverhampton. Alors, est-ce qu'ils peuvent en croire à... Non, je pense pas. Ça croire à quelque chose mais là, cette et Tottenham. Et Tottenham très inquiétant, hein, Tottenham qui a encore perdu à Fulham hier. Face à bon mieux classé, mais Tottenham n'est plus qu'à 4 points de la zone rouge. Il faudra gagner contre Crystal Palace cette semaine. Ouais. Ça devient capital. Ça devient capital, oui. C'est un gros match, je crois, contre Liverpool ce week-end aussi, il me semble. On va y revenir. Ouais. À Liverpool, à ensuite de dimanche. Ouais. Donc voilà, cette semaine, tu l'as dit, Alex, donc une journée cette semaine. Il y aura pas de alors il y aura ce Villa Chelsea, mais sinon sur le reste il y a pas de grosse confrontation. Donc ce Villa Chelsea en cas de victoire peut se rapprocher à 2 points seulement, à 3 points seulement de Villa. Donc match très important pour les Blues. Dans les matchs importants, à cliquer quand même. La mardi, déplacement de Brentford à Bournemouth, ça joue toujours pas mal. Ils ont fait un match fou avec Igor Thiago là qui se positionne seul deuxième meilleur buteur de première ligue. Une équipe très intéressante, Brentford. Ouais, Brentford qui joue l'Europe plus que jamais, hein, voilà, qui est 7e avec 43 points, donc ça peut jouer quelque chose. Et puis à 30e journée, donc ce week-end, on aura United Villa. Alors Villa qui enchaîne, hein. Voilà, qui scoltine les Chelsea, qui scoltine United ce week-end, donc qui peut tout perdre en une semaine. Hein. Exactement. Ce sera dimanche à 15h. Arsenal-Everton aussi, intéressant pour Everton qui peut essayer de grappuyer des points. Mais Arsenal qui... Voilà, qui... Encore un derby. Attention Arsenal, ouais. Encore un derby de... Encore un derby. Oui, un derby. Non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Non, je confonds. Non, Everton, c'est Liverpool. Ah oui, pardon. Merci. pas de... Si, but, tiens, en Italie, Udinese qui a marqué un deuxième but aussi. Donc Liverpool Tottenham, on a dit aussi Tottenham encore un gros hein, qui peut sombrer encore un peu plus dimanche soir. Voilà pour donc cette semaine donc et puis qu'est-ce qu'on aura d'autre? Bah c'est déjà pas mal. La Cup aussi. Il y a beaucoup de choses. La cup qui reprend. Oui. Ouais, ce sera le 5e tour, donc ce sera donc les 8e de finale, c'est ce week-end. Donc on aura Liverpool tiens qui déplace à Wolverhampton, Arsenal chez une D3 Mansfield, Chelsea chez une D2, City aussi à Newcastle, un choc de première ligue. Voilà, donc et puis d'autres matchs dimanche aussi donc dans ces rencontres de la Cup, voilà pour être complet. Il y a un match aussi demain pour un match de retard du 4e tour aussi pour connaître toutes les affiches. Mais voilà, donc une grosse semaine quand même en Angleterre. Il va se passer plein de choses. Hein. Voilà, donc on suivra tout ça bien entendu. Donc on continue. Alors les directs, on suit toujours. Alors tous les matchs sont repartis. Ça y est, hein, tous les le Real a repris aussi. Est-ce que ça donne quoi Hugo là sur ça se passe mieux sur le Real? Bon, pour l'instant, non, c'est plus rétaffé là qu'à le ballon. Ça a repris depuis même pas 5 minutes. Hein, mais donc, pour l'instant, je peux pas trop vous dire comment va aller la physionomie du match. Mais pour l'instant, ouais, rétaffé à le ballon, le Real n'est toujours pas trop dangereux dans ces 2-3 premières minutes. Très bien. Bon, bah, on continue de suivre ça. Allez, on revient en France pour nos championnats. On commence un mot donc de national. Pour suivre cette journée donc numéro 23 en national avec donc le leader C'est Rouen désormais, hein, donc de cette ligue de ce national, malgré ce match nul à Orléans. Hein, revenons sur quelques secondes sur cette rencontre, sur cet anniversaire donc de l'USO des 50 ans. Bel anniversaire, Jérémy, pour ces 50 ans. Bah merci. Écoute, moi c'est que le 23 avril. Allez, merci. Bonne soirée. Allez, on coupe le micro. C'est terminé. C'est con, t'avais quelques secondes pour parler. Non, allez, cet anniversaire, donc, c'est 50 ans. Ouais, c'est un très bel événement qui a été organisé, donc, par le club pour les 50 ans du club. Hein. Bah oui, forcément. Un super beau match d'Orléans. Malheureusement, un petit défaut de l'arbitre qui est venu quand même à la fin du match reconnaître qu'il s'était trompé sur la main. En fait, Rouen marque sur penalty et a priori l'arbitre est venu s'excuser dans le vestiaire des joueurs à la fin du match pour dire qu'il s'était trompé. Et puis derrière, notre serial buteur Fadel Comisti qui marque le but pour le match nul. Et qui aurait pu nous offrir la victoire vraiment à la toute dernière seconde, où il met une frappe à 20-25 mètres qui tape vraiment l'équerre, ça aurait été à la folie. J'en ai parlé avec le président, on aurait fait une statue pour lui. Voilà, et puis après un beau spectacle de drone à revoir sur la page Facebook de l'USO. Bon, bah voilà, match nul. Forcément, on aurait préféré, on aurait aimé une victoire, d'autant que Sochaux a gagné la veille, vendredi soir. Oui, la veille, c'est ça, vendredi soir. Donc, ça laisse Orléans à 7 points maintenant. Ouais. Et puis Versailles, qui a un match de retard, qui risque de gagner contre Valenciennes. En fait, c'était un match où il y a eu un problème avec Valenciennes et bon, ils auront les 3 points. Donc, oui, match qui sera sur tapis vert. Versailles qui a gagné ce week-end, donc qui est repassé devant. Donc, ça s'éloigne un peu, mais bon, il reste quelques matchs. Il peut toujours espérer des choses. Oui, carrément. Et puis Dijon qui a perdu sa place de leader, hein, Dijon. Après ce match nul, donc de Rouen qui en profite pour passer. Alors pourquoi ils ont perdu leur place de leader? Parce qu'ils avaient un match de, ils n'ont pas joué. Voilà. Donc ça veut dire que c'est Rouen qui est leader, Dijon à égalité deuxième et ça se joue à la différence. Sochaux est troisième à 42 points. Tout le monde est à 42. Hein. Là il y a une vraie bataille pour la montée. Parce qu'on sait le troisième jouera les barrages, puis Versailles-Orléans et voilà, essayer de s'accrocher pour aller chercher cette troisième place. Si je me trompe pas, Dijon c'est le match exempt à cause d'Ajaccio, donc puisqu'il y a que 17 clubs, ouais. Pour ça qu'ils ont pas joué. Et c'est qu'une défaite, hein, Dijon, notre coach de Saint-Privé, Baptiste Rivera, qui fait un vrai vrai travail à Dijon, franchement. Ouais, félicitations à lui parce que c'est. Plus que jamais, peut croire à la montée, même si c'est vrai que dernière semaine, il y a eu pas mal de points de perdus, mais Rouen aussi, donc, c'est Sochaux qui, pour le coup, là, avec, cette victoire. C'est la très bonne opération, Ouais, et qu'on a profité pour revenir à hauteur, donc ça va être une vraie fin de championnat, et puis en bus 4 toujours, ça y a Orléans qui peut espérer un faux pas. Ben, on va au stade Briochin le week-end prochain. Ouais. Et, donc c'est les derniers. Ouais, il faut gagner. Je ne me trompe pas. Oui, Saint-Brieuc qui est le dernier, ouais, 14 points. Ouais. Et puis je crois que ça se rencontre, hein, les prochains matchs, les 4 premiers se rencontrent, donc on peut, si nous on est derrière, ça peut le faire. Donc Saint-Brieuc-Orléans à 19h30. Et puis le prochain match à domicile sera le Paris Atlético. Voilà, le 13 mars. Donc, faudra voir les autres rencontres, bien sûr, voir ce que ça va donner. Mais, est-ce que Orléans a encore une confrontation directe à jouer sur les équipes du haut? Ah non, je te pose la question, en fait. Tu n'as pas la réponse. Bah, on vient de jouer Rouen. Oh, bah, on va regarder. On va se rendre Dijon, compte. Si la fin à la dernière match, peut-être pour la montée, ce serait fou. Ouais. Bon, ce sera le seul, la grosse confrontation en haut. Mais bon, et Versailles aussi, La 32e journée. Bah oui. Même s'ils sont pas dans le top 3, mais ils sont. Ah, 1er mai, c'est mon anniversaire, on sera pas là. Il y a plein de choses ce jour-là. Il y a une grosse. Il y a une vraie petite fête. Là, il y a une petite fête. Là, ça va être une journée marathon, comme on dit. Allez, la Ligue 2, donc à 20h20. Changement de leader temporaire, provisoire, puisque Saint-Étienne a gagné à Pau samedi. Donc pour le moment, il n'est plus leader, puisque Amiens 3 est en train de gagner. Mais en tout cas, ils sont bien bien installés. Reims qui a perdu 2 points importants à Montpellier. C'est pas une bonne opération pour Reims qui reste troisième. Le Red Star et Le Mans en embuscade à 41 points. Le Mans aussi qui a perdu 2 points face au Red Star, mais voilà, ça a forcément un match qui a rangé personne, qui reste 4 et 5e. Annecy 6e avec 39 points, hein, qui a gagné un match important à Bastia. Ouais, il reste sur 6 matchs sans défaite. Ouais, qui profite du coup de ce match nul entre le Star et le Mans pour revenir à 2 points. Et on sait que la 5e place, c'est les barrages, c'est les playoffs. Donc c'est important, c'est vraiment un match qui a permis de revenir à 2 points. Donc tout est possible dans cette Ligue 2. Il reste encore pas mal de journées. Donc il y a un Saint-Étienne Red Star ce week-end et il y a Le Mans Annecy. Hein? Non, tu voulais dire quoi? Non, tu voulais, vas-y. Vas-y. Donc Le Mans Annecy c'est samedi à 14h. Et on y sera. Bah moi non, mais. Mais enfin, je parle à la troisième personne. Ah pardon, Alain Delon, excusez-moi. J'espère que François marquera un quatrième but d'affilée en tant que défenseur, ça c'est beau. Et puis donc. Et j'embrasse. Et Saint-Etienne Red Star, donc là ça peut être une grosse opération pour Annecy. Hein. Si Saint-Etienne venait à battre le Red Star et qu'Annecy battait Le Mans, ça permettrait de passer quatrième. Donc ça peut être une grosse opération. Bah même. Attends, reviens. Non, pas plus. Hein. Bah 39-42. Oui, mais t'es moins bien. Oui. Si Reims à égalité avec. Oui, avec Reims qui est. Si Reims perd d'un quart. Il y a des autres matchs aussi. Mmh. Ah, il y a trop de si. Et si ma grand-mère avait des roulettes, on l'appellerait, ce serait un vélo. Voilà, exactement. Allez, Ligue 1 pour finir. À 22h22. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien. Vas-y, danser. Ça démarre vendredi. Strasbourg-Lens. Match au tableau hein, pour les deux équipes. Alors Lens qui restait en plus sur un mauvais résultat, qui devait réagir. Et bah c'est pas mieux qu'un match nul un partout, qui va forcément arranger personne. Ce match nul. Mmh. Tu l'as lu. Hein. De quoi? Ouais, Lens qui. Oui, allez-y. Ah non, même pas. Parce qu'il y a un nul qui n'arrange personne, c'était le titre du match, mais que je n'avais même pas lu pour le coup. En même temps, c'est logique. Hein. Vas-y Hugo, pardon. Ouais, non, mais Lens commence un peu au ralenti, si on peut se permettre de prendre le terme d'avancer, mais après leur défaite contre Monaco du 21 février, où on s'en rappelle, c'était quand même un gros coup sur la tête, mais ouais, bon, après c'était un gros match quand même à Strasbourg, on s'attendait forcément à un match compliqué pour les Lensois et un match animé, on a été servi, c'est quand même été un match très animé entre ces deux équipes qui sont très joueuses. Même si Lens a mis un peu de temps à rentrer dans son match, mais Paichelli avait vite ouvert le score à la 18e. Et ouais, Lens a mis un peu de temps à revenir, mais ils ont plutôt fait une bonne seconde période quand même, où ils ont plutôt dominé Strasbourg là dans les 45 dernières minutes. C'est vrai que bon, faire un partout, même à Strasbourg, c'est très compliqué de jouer face à une équipe justement joueuse, mais qui défend très très bien aussi. Mais voilà, 25 tirs quand même pour Lens, marqué qu'une seule fois, c'est un peu trop peu. Ils ont vraiment manqué de réalisme les Lensois, mais on sent que c'est un petit coup de moins bien là en ce moment pour les Lensois, et bon, ça permet à Strasbourg de rester pour le coup encore en lice pour bien sûr les places de Coupe d'Europe, mais à Lens qui ça y est perd un peu de terrain par rapport à Paris, donc attention au prochain faux pas pour eux. De samedi, on avait Rennes d'abord qui recevait Toulouse en début d'après-midi. Victoire de Rennes qui va mieux hein, les Rennais. Troisième victoire consécutive face à Toulouse. Voilà, un adversaire qui va plus espérer grand chose maintenant avec cette nouvelle défaite 1-0. Ouais, exactement. Bah, Toulouse qui va encore espérer jouer les places européennes, d'aller chercher une place en Conference League. Bon, ça commence un petit peu à s'éloigner, même s'il reste bien sûr quelques matchs pour essayer de se refaire. Mais oui, Rennes qui enchaîne pour la première de Franck Hez à domicile. Pour Wazen Park, 1-0 grâce à ce but de Nordin à la 27e minute. Bon, ça n'a pas été non plus un énorme match de Rennes qui a quand même tranquillement maîtrisé ce match. Ils ont eu le ballon hein, globalement dans cette rencontre. Mais voilà, ça n'a pas été un match très très ouvert, mais le principal était là pour les Rennais. Voilà, rester au contact du top 5, c'est important. Et ils ont le même nombre de points que le LOSC, 40 points. Donc le principal est là pour eux. Il va falloir continuer un petit peu dans le même sens, mais essayer de montrer un peu plus que ça. Avec cet effectif-là, on va voir sur un effet Franck Hez. J'attends de voir, je ne suis pas encore convaincu à 100%. Bien sûr, on va voir dans les prochaines semaines ce que ça va donner. En tout cas, encore une fois, le plus important, c'était bien sûr les 3 points, c'était chose faite pour les Rennais. Monaco Angers, c'était à 19h, il fallait enchaîner pour Monaco hein, après les derniers bons résultats, bon hormis cette élimination avec les champions, mais qui était pas voilà, c'était quand même des bons matchs hein, pour le coup globalement. Nouvelle victoire hein, qui Monaco enchaîne 2-0. Troisième victoire consécutive, ça va mieux pour Monaco, même si tout n'est pas tout rose hein, dans ce club. Oui, mais je te le laisse, tu l'as dit. Ah ouais, bah sinon je l'ai pas vu alors. non, bah après que dire, oui, bah c'est résumé, ça va mieux. C'est vrai que les dernières prestations, on l'a vu. Hein. Adingra fait du bien. Adingra qui fait qui arrive très très fort. Balogun qui est toujours là. Hein. Ces dernières semaines, il plante pas mal. Hein. Il y a eu des Ligue des Champions. Mais Lens, Ligue des Champions, ça va bien mieux. Il avait fait un début de saison compliqué et là, c'est vrai que depuis 3-4 semaines, c'est bien mieux. Et En même temps, t'as joué Angers, Nice. T'as joué Lens. Hein. Oui. Bah oui. Angers, Nice, Nantes. Ouais, mais bon. T'as fait deux rencontres oui. aussi contre Paris où t'as pas été ridicule. Pour le moment, on se pose la question. Non, mais match, est-ce que c'est jouable quoi. Quand on voit les dernières prestations, c'est mieux. Parce qu'avant, contre Nantes et Nice, tu perdais. Là, non, t'as... Nice. Bon, hormis Nice, t'étais mais. T'étais pas sûr. Mais Nantes, les gars. Non, mais. Oui, je suis d'accord. Quand on voit, c'est ouais. mieux. Bah, c'est pas encore parfait, mais. Mais on sent vraiment que le travail de Pocognoli, là, tous les joueurs sont bien concernés et ça prend. Ça commence à prendre. Oui, mais au moins ils ont continué à lui faire confiance et ils ont pas lâché. Au début, ouais, compliqué. Après, voilà, il y a le retour de quelques blessés qui fait du bien. Golovin qui était de retour de suspension aussi. Après son rouge, j'ai oublié contre qui, mais qui avait pris un rouge il y a 15 jours. Donc voilà, il y avait pas, par contre, il manquait toujours, Zakaria qui est replacé dans la défense centrale. Je sais pas si c'est toujours la meilleure solution, mais bon, il fait un petit peu le rôle de bouche-trou, hein, le milieu de terrain. Mais bon, pour le coup, ça a fonctionné. Fatih qui est titulaire désormais. Donc ça a l'air d'avoir, ça commence à prendre gentiment. Morientes qui va revenir, tout ça. Julie, Pierre-Hôtel aussi. Mais. Et puis là, qui prépare un match important face à Paris, hein. Troisième confrontation en moins d'un mois, donc. Petite revanche, peut-être. Qui sait? Bah Paris justement, c'est le match d'après, c'est samedi soir au Havre. Paris, moi, qui enchaîne gentiment après sa qualification en Ligue des Champions, hein, 1-0 seulement. Bon, ils ont fait le match minimum syndical, mais ça suffit pour rester et surtout prendre. Un peu de rotation aussi. Un peu de rotation et logique, voilà. Et ça suffit pour prendre 4 points d'avance et profiter de la défaite de Lens. Oui, bon, voilà, un petit peu, un PSG un peu minimaliste, oui, pour l'après Ligue des Champions. Bon, c'est important aussi forcément de conforter aussi sa place de leader, donc le principal à la victoire, avec ce but de Barcola à la 37e. Et puis bon, il y a quand même eu aussi un penalty manqué de Désiré Doué, hein, qui a été arrêté par le gardien havrais Maurizio. Donc voilà, c'était aussi José, mais c'est José. José. Maurizio. Laisse tomber. José Dio. Non. Je l'ai pas, c'est là. Ah, t'as dit quoi? Son prénom, c'est comment? Maurice. Bah oui, José Mourinho. Oh. Voilà. Allez, merci. Ah. On continue. Je l'ai toujours pas, ça. José Mourinho. Ah, d'accord. Ah oui, Mourinho. Ah oui, d'accord. Allez, wow. Quand même. Ah, ouais. Elle est tirée par les cheveux. Elle est tirée par les cheveux. Recherchée, elle est dans le thème. Copine aussi. Moi, je prends quand même. Allez, merci. Pardon, continue. 22h30, en plus, on est à la bourre. Ah mais ouais donc un pari minimaliste qui s'impose, c'est le principal. Ouais. Bon, ils ont quand même bien sûr dominé ce match, ils ont eu le ballon tout au long de ce match contre face à un adversaire relativement faible forcément. Mais ouais, j'ai bien aimé quand même le match aussi du petit Dro Fernandez qui a été simple dans ses transmissions, mais qui a quand même essayé quelque chose, quelques dribbles. Alors, il a pas tout réussi, mais j'aime bien les prises de risque, donc j'ai bien aimé sa première titularisation quoi. Dimanche maintenant, eh bien Paris FC Nice, Nice voilà, qui sombre encore un peu plus avec cette défaite et qui voit en plus Paris lui passer devant, 1-0 victoire malgré un match qui a terminé à 10 pour Paris. Bon, c'était pratiquement fini en tout cas. Oui. Ouais, effectivement, Paris qui a fait son match. Hein, c'était un peu le week-end des premières. Hein, c'est la première de Comboiré là, sur le banc parisien, qui fait son grand retour en Ligue 1. ça fait bien un peu de fraîcheur. Après Claude Puel, c'est parfait c'est là, en ce moment. Ouais, non, mais c'est ça. Oui, non, on paraît qu'il a plutôt fait un bon match quand même. Bon, Nice, qui, on a retrouvé le Nice qu'on connaît hein, cette saison, qui a pas été flamboyant du tout, qui a pas proposé grand chose, notamment offensivement. Donc voilà, victoire, pareil, minimum syndical pour le PSC 1-0. Mais bon, en même temps, Nice en face n'a pas montré une grande adversité, donc victoire quand même relativement logique du PFC et qui passe devant Nice au classement, du coup, donc c'est une très bonne opération quand même pour les Parisiens. Et Nice, plus que jamais en danger, hein. Ouais. Ouais. Même s'il y a un peu d'avance sur le barrage Vist Auxerre, mais ouais. Lille, bah là aussi, uniforme syndical face à une équipe de Nantes, bah, très diminuée ces dernières semaines. Voilà, c'était, il fallait gagner en plus avec une dernière, c'était des derniers matchs un petit peu compliqués pour Lille. Mais victoire en toute fin de match et mais ça fait en tout cas du bien pour les Lillois qui reviennent, enfin qui restent cinquième. Ouais, deux équipes en méforme hein, qui nous ont proposé un match assez cataclysmique, très fermé, il s'est pas passé grand chose du tout et puis ça se voit au tableau d'affichage, hein, 1-0 avec un but à la 90+3 en toute fin de match, une victoire oui, tirée un peu par les cheveux des Lillois, mais bon, il fallait ces 3 points bien sûr pour rester dans ce top 5, pour rester à 3 points de l'OM aussi, et oui, rester en lice pour l'Europa League et pourquoi pas donc bien sûr la Ligue des Champions encore, le top 4, mais ça me semble vraiment compliqué, voire impossible si le LOSC ne change pas vraiment quelque chose. Dans l'équipe, dans ces matchs, parce que ça reste catastrophique là, depuis plusieurs semaines, si ce n'est presque plusieurs mois maintenant. Donc ouais, là c'est vraiment le minimum syndical, mais la sirène d'alarme est encore tirée. Donc attention encore aux Lillois, parce que gagner 1-0 face à une équipe aussi faible que Nantes, bah, c'est sûrement t'es aussi faible dans le jeu. Donc ouais, vraiment grosse attention vraiment aux Lillois. Ça fait peur pour le Villa quand même quand on voit ça. Bah c'est ça le pire. Ouais. Ouais. Lorient-Auxerre, bah bonne opération quand même pour Auxerre qui va profiter de la défaite de Nantes pour s'installer seul à la 16e place de barragiste avec un point d'avance. Et puis pour Lorient, bah voilà, un match nul qui les éloigne un petit peu de cette Europe qui était encore peut-être espérée. Ils reprennent un rythme d'invaincu, c'est pas mal. Ouais, oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Lorient qui, oui, on l'espère, va partir sur une bonne dynamique potentiellement. Parce que oui, l'Europe est quand même pas si c'est loin pas encore que fini, ça, hein, c'est pas encore fini, mais t'as beaucoup d'équipes devant toi quand même. Donc, tout le monde s'écroule, quoi. Il reste 10 matchs, ouais, quand même. Il reste un peu de points à prendre, et oui, ben, en espérant, quoi, c'est possible, hein, Lille qui s'arrête, enfin, qui continue sur le mauvais espace, Lorient qui gagne quelques matchs, bon, ça peut être compliqué quand même aller chercher, c'est sûr, il y a du monde devant. Mais en tout cas, sur ce match-là, en tout cas, il y avait 4 buts dans la première demi-heure. Ça a très bien démarré ce match, qui s'est éteint un peu petit à petit. Ça a commencé très tôt, dès la première minute, ouverture du score d'Auxerre. Et voilà, mais oui, effectivement, c'est quand même un résultat qui n'arrange, enfin, c'est facile à dire, mais qui n'arrange personne. Auxerre qui reste un peu englué, tu disais tout à l'heure, sur sa place de barragiste, il y a quand même 6 points d'écart avec Nice qui est devant. Donc ouais, c'est un résultat du nul qui est pas forcément satisfaisant pour l'un comme pour l'autre. Maintenant, effectivement, Lorient était une équipe qui est en bonne forme encore il y a peu de temps, donc je pense que Auxerre peut quand même satisfaire potentiellement de ce point du nul. Metz encore une fois qui s'incline, hein. Bon, c'est pas illogique face à Brest qui pour le coup voilà, peut espérer encore aller chercher une place européenne en fin de saison. 1-0, voilà, aussi là c'est un peu le score du week-end, il y a beaucoup de 1-0 et ça suffit pour gagner alors que Brest a joué pratiquement tout le match à 10, hein. Donc ça prouve aussi que Metz là est vraiment bien en dessous, hein. Ah, puis 24 tirs tentés par Metz quand même, hein. Donc effectivement on sent que cette équipe Messine n'a vraiment pas le niveau de cette Ligue 1 une nouvelle fois cette saison. De toute façon, bon, c'est très bien, ils font ça, ils font l'ascenseur, hein. c'est une des quelques équipes où on a l'habitude, hein. Ils font deux saisons en Ligue 2, après dans Ligue 1, puis ça redescend directement, bah, c'est encore ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des premiers mouvements de supporters, des manifestations en centre-ville, je crois, de plusieurs groupes de supporters qui se sont réunis pour manifester contre la politique du club. Pacifiquement, bien sûr, je souligne. Mais on l'a joué sur ce match-là, où Brest, oui, joue quasiment l'intégralité de cette rencontre, en tout cas depuis la 22e minute à 10 contre 11. Ils finissent par marquer quand même en fin de match, si j'ose dire, à 109e grâce à Ajorc, qui est une nouvelle fois buteur ce week-end. Et Metz, oui, je le disais encore, ils ont presque tiré 30 fois au but et ils n'arrivent pas à trouver le chemin des filets. Donc c'est vrai que c'est assez catastrophique pour les Messins. Et j'avais une petite lueur d'espoir il y a encore quelques semaines, quelques mois, quand je les trouvais pas mal. Même le match au Parc des Princes, ils avaient montré un très très beau visage, bon même si c'était forcément compliqué, ils avaient mis le bus complètement tout match, mais ils avaient montré qu'ils savaient tenir quand même un adversaire de cette taille-là, de ce prestige-là en défense. Bon bah mais là malheureusement je pense que force est de constater que là ça y est avec 13 points maintenant, il y a 10 matchs effectivement. Mais... après c'est 5 points quand même, tu barrages. Faut pas lâcher, mais dans l'état actuel des choses, ça paraît compliqué. Ah c'est ça. Donc ouais, je suis vraiment très craintif si j'ose dire avec nos amis Messins. Ouais, Metz qui a pu gagner depuis le 20 décembre, c'était un match de Coupe de France face à Bischheim, l'équipe amateur, enfin en tout cas régionale. Et puis sinon la dernière défaite en Ligue 1, c'était le 9 novembre face à Nice, hein, qui n'était pas non plus les meilleurs à ce moment-là. Donc c'est, et puis il y a une victoire face à Nantes. Et voilà, c'est, ils n'ont pas de match référence vraiment cette saison. Terminons par le match entre Marseille et Lyon. Victoire de Marseille à domicile pour la première victoire de Bay à domicile. Un peu miraculeuse hein, quand même, on peut le dire, cette victoire de Marseille. Alors, miraculeuse, je sais pas. Maintenant, je suis fait partie des gens qui Non. Elle est à l'arraché, elle n'est pas miraculeuse. Ah, on peut pas dire ça. On ne peut pas dire que Lyon a complètement surdominé l'OM. On peut pas dire ça non plus. La première mi-temps, ouais, c'est très compliqué. Oui, la première mi-temps, elle est à faveur de Lyon, ça c'est sûr. Là où Lyon s'est un peu écroulé en fin de match, forcément avec les deux buts, enfin les deuxième et troisième buts marseillais, le doublé de Aubameyang. Mais je suis d'accord, le nul aurait été on ne peut plus logique entre ces deux équipes-là. Maintenant voilà, Lyon n'a pas marché non plus sur Marseille. Et voilà, puis c'est la défense lyonnaise aussi qui est, je pense, à remettre en cause, parce que c'est vrai que Péchaud, le but de Péchaud, le premier but marseillais, c'est quand même ça spécial, quoi. Il est sur son côté gauche, il tape son crochet du droit. Et c'est surtout qu'il le laisse, opposé, quoi. Il le laisse comme face à Manchester United l'année dernière. Le bloc monte pas, donc forcément, quand tu laisses autant d'espace à un joueur comme ça, derrière, c'est compliqué, le cœur opposé, ouais, rien à dire. Ouais. Et en fait, c'est presque le but de Rémi Imbert en deuxième qui leur permet en fait d'aller gagner le match. Ouais, exactement, c'est ça. Et ouais, bah Lyon, oui, qui s'abonne un peu en fin de match, si j'ose dire, mais non, bah Lyon qui réussit son entrée aussi. On avait besoin, enfin, je pense qu'on avait besoin plus que n'importe qui de se relancer aussi pour lui pour cette fin de saison. Là, il a su montrer sa vista, savoir où se placer quand il fallait, notamment sur le troisième but où il est là où il faut aussi. Il est un peu esselé quand même, notamment sur le deuxième but où il est esselé, je crois, par la le troisième aussi, autant Moussa, sur les deux, Moussa Niakete, ouais. Il fait un énorme retour vers son but en réussissant une passe même pour dégager un centre, autant à la fin du match, voilà, physiquement les Lyonnais qui commencent aussi à pêcher le coup. Mais effectivement, c'est pas bien, enfin, c'est mal payé pour Lyon et c'est plus que bien payé pour Marseille. Maintenant, voilà, gagner dans les derniers instants pour Marseille, ça fait beaucoup là. Ouais. Après, ça fait du bien pour l'OM, bien sûr, Vous gagnez dans les derniers instants et pas l'inverse. Oui. Bah, ça tranche un peu avec la Ligue des Champions. Ouais. Pour une fois, le scénario est en la faveur de l'OM, c'est sûr. Donc, bon, voilà, c'est une bonne chose aussi, peut-être pour Bay aussi, pour lancer vraiment, ça y est, son aventure marseillaise, on verra bien. Pour l'instant, je vois pas spécialement une patte Bay, ce que j'ai vu. Tu en penses quoi, Vous en aviez déjà un peu parlé de... Pour l'instant, j'ai vu l'article, enfin, j'ai pas lu l'article, mais j'ai vu le titre de l'équipe tout à l'heure, justement, où il disait déjà qu'il y avait une patte Bay. Je suis pas d'accord. Pour l'instant, non. Pas déconner, arrêtons un peu. Bah oui, non mais enfin bon, moi j'attends de voir. C'est pour deux matchs que tu peux voir ça vraiment. Et puis bon, le premier match a été perdu. Le premier match de Bay a été perdu. Donc bon, voilà, j'attends de voir. Pour l'instant, dans le jeu, je vois pas forcément de pas de Bay. Je vois les mêmes errances défensives, notamment de Balerdi hier, qui reste. Qui est plus capitaine, ouais. Mais par contre, ça lui a enlevé un poids. Oui, peut-être que ça va lui faire bien. C'est sûr. Mais j'ai encore par contre bien aimé le match de. Bah, du petit Quinton Timber là au milieu de terrain, c'est le frère de Timber d'Arsenal, hein, tout à fait, oui. Timber Lake, ouais. Justin. Mais non, il est très tard, on va rendre l'antenne les amis. Mais non, je trouve très juste Timber, je trouve que c'est une bonne pioche en Timber. Il je crois qu'il est inscrit sur Allez. Timber par contre il joue avec des Timber là. Exactement. Très bien. C'est Kesha qui lui a offert. Kesha. Très bon. Et Pitbull. Aussi. Et oui. Mais la patch. Allez, je crois qu'il est temps d'enchaîner. Mention quand même pour Lyon qui arrive à s'en sortir en mettant 4 milieux, en 4-4-2 avec Yarem Chou qui vient d'arriver. savoir jouer sur ses points forts. Ouais, ok. Non, mais ils ont perdu. Ils ont perdu, mais c'est pas grave. Donc c'est pas bien. J'ai dit mention honorable, et si c'était bien joué. Ah, t'as pas dit honorable, t'as dit mention. Ah, c'est pour, mention bien ou très bien? Ou honorable? Ouais. Bien, quand même. Ouais, bah, mention honorable à Hendrick aussi, quand même, hein, qui a fait quand même un gros match aussi. Ouais. Hier, deux passes D, et puis même tactiquement, on sent qu'il est au-dessus du lot aussi, même par rapport à la plupart des Marseillais, bien sûr. C'est ça, en même temps. Et éreinté un peu. C'est fini à Amiens, victoire 2-0. Oui, bah ouais. Fini à Udinese 3-0, ça finit avec 3-0, Udinese Fiorentina. Et à la 75e, voilà, juste un petit avis, Hugo, non? Ça bouge ou pas pour le Real? Est-ce que ça peut égaliser? Alors, ça peut égaliser, là, ils ont eu quelques situations, mais franchement, là, ils ont eu un corner où ça aurait pu rentrer avec une tête de Rudiger qui passe pas loin. Mais non, c'est pas sûr, pas glorieux. Ça fait 10 bonnes minutes, je pense qu'ils, ça y est, ils sont installés dans le camp de Retafe, parce que c'est quand même l'inverse en début de seconde période où Retafe continue à pousser. Mais ça pousse un, plus ou moins pour le Real maintenant. Là, yes, ouais, un bon petit quart d'heure de jeu encore à jouer. Donc 3 a repris sa place de leader. Ça, c'est l'information de ce soir en Ligue 2. Donc les Marseillais, donc ils s'imposent 3-2 face à Lyon, et qui donc alors là c'est important, parce que si Lyon gagnait c'était 8 points, c'était plié, hein, pratiquement pour, ah là c'était, bah, c'est, le... et c'est surtout, ouais, quand 10 minutes tu passes de, ouais, tu passes 8 points à 2 points où tu te dis est-ce qu'on va aller un petit peu plus haut, et ouais. Mais non. Donc Paris leader 57 points, Lens est deuxième 53, ensuite il y a un vrai fossé, Lyon 3ème 45, Marseille donc 4ème 43, Lille 5ème 40 points, et puis comme Rennes, hein, 40 points 6ème, Monaco revient 7ème avec 37 points, Strasbourg, ensuite Brest et Lorient, et puis en bas donc Auxerre 18, Nantes 17, et Metz 13, et puis Nice premier non relégable qui est à 24. Donc bah, pour aller sauver tout direct, hein, ça va être compliqué, mais pour le bas, la place, je crois qu'il vous visez la place de barragiste maintenant pour ces trois-là. Hein. Ou alors, à moins que Nice s'écroule encore davantage. Ce qui est pas impossible. Les pronostics, l'autofoot, allons-y. Alors, un petit rappel sur... Il n'y a plus Kill Bill? Si, mais là, c'est les résultats d'abord. Après. Désolé, Hugo, victoire 5-4, malgré ton... Encore ton point. Non, mais Hugo, note-les les trucs, parce qu'à chaque fois, ça fait 15 ans que je fais ça. Il y a une vraie escroquerie. Il y a un podcast, tu vas l'écouter si tu veux savoir. Et le fichier est partagé. Tu as changé le fichier. T'as changé, toi. Tu as changé. Il n'est pas partagé réellement, le fichier. Oui. Fais un Google Drive, là, un truc, là. Oui. Et encore, j'avais mis 2-2, Marseille, Lyon, j'étais pas loin. Eh oui. J'avais mis 3-1, j'étais pas si loin. Bon. Bah, oui. Il y avait un but de trop, quoi. Ouais, mais là, tu lui comptes pas, là, Mich. Le 3-1. Bah parce qu'il n'y a pas eu 3, il y a eu 3-2. Oui, mais toi, Mich, t'as 2-2, pourquoi il est vert? Il est pas vert, non, il est pas vert. Mais pourquoi il est noir et lui il est rouge? Parce qu'il a gagné. Parce qu'il a gagné, il a dit que Marseille gagnait, mais c'est pas le bon score. Ah, mais non, mais rouge, normalement c'est nul, et vert c'est... Non, pas moi. Oh. Alors on y va. Oh, le code couleur. Alors on y va. Allez, petit instant prono. 22h43, on est très en retard, c'est pas grave. On a le temps. On y va pour les matchs de la 25e journée de Ligue 1. Ouais, on va pas attendre que ça démarre parce que... Aujourd'hui dans Téléfoot, nous recevons Didier Drogba. Reviendra-t-il à Marseille? Téléfoot d'ailleurs qui a disparu de TF1, vous avez vu? C'est vrai? Oh. Ah non, j'ai pas vu. Enfin, qui va passer sur TF1+, la plateforme là, numérique. Ah, en ligne uniquement, ouais. D'accord. Il y aura quoi le dimanche matin? Oui, je sais pas. La messe aussi sur... Gulli. Sur... Allez, on y va. Allez, c'est parti. Ça disparaît quand? Peut-être à la fin de saison. Je regardais pas, de toute façon. Donc. Bah voilà, donc ça change rien. le Paris-Monaco de vendredi à 20h45, Paris est leader, Monaco est 7ème. Est-ce que Monaco peut encore rivaliser face à Paris? Je vous écoute pour les... Score. Non, que... Juste victoire. Que... Victoire de Paris, pour moi. Alex. Allez, petit nul avant la Ligue des Champions, Monaco qui aura soif de vengeance. Hugo. Ouais, le nul est tentant. Maintenant j'ai un peu de retard du coup dans le l'auto-foot là, truqué, hein, ouais. Donc je vais dire Paris, ouais. De peu, mais c'est possible. Rémi, le cœur est monégasque. Ah non, je vais mettre Paris, hein. Mais la victoire, mais... Tu sais que j'avais mis Paris aussi. Et vous avez parié quoi, les gars, là, cette année? Bah rien. C'est qui écrit? Tu sais que Monaco Lens, j'avais mis Lens et je me suis fait voir. Et c'est oui. Non, mais non, tout à fait, oui. Non, je vais pas. Ah ouais, après, si je me mets d'accord avec Tonton Gagne, tu prends un point de... Ah, c'est un lot, c'est pardon, je découvre en live, en fait, le tableau, c'est uniquement sur le tiers championnat français. Ah bah si sinon, tu commences à faire ton championnat, sinon, okay. tu fais une émission que de pronostics, sinon. Non, mais pas tous les matchs, mais ça va être une sélection, mais non, c'est très bien comme ça. Nantes-Angers. Les pronostics du sport. Angers. Ouais, samedi, Nantes-Angers, 17h. Ah, à pas louper, je sais qu'il va le regarder, Hugo. Nantes 17e, Angers 12e. J'ai déjà les frissons, rien que d'y penser, j'ai hâte. Aïe, aïe, aïe, aïe. Alex, tu m'as dit Angers. Hugo. Match nul. Ça, ce sera un match nul, ça c'est clair, mais. Eh ben, le contenu, ça va être nul. Je suis Hugo aussi, match nul. Franchement. Allez, t'achètes pas une maison. Franchement. 5, 4, non, 3. Non, hop, voilà, terminé. Voilà, on est. Non, je vais mettre un nul aussi, moi, allez. Bon, je vais mettre Angers, on sait, Nantes ils sont nuls en fait, vous êtes fous quoi. Merci. Nantes ils sont zéro. Je suis en train de me dire que perd tout le monde. Je suis assez. Ouais, 19h. D'accord. Auxerre-Strasbourg. Auxerre, 16e, Strasbourg, 8e. Moi je vais mettre Strasbourg. Je te rejoins quand même. Bah non, reste là sinon c'est pas. Sinon tu pourras prendre. Ah, sinon j'ai plus mon micro. Ouais, moi c'est vraiment totalement chauvin, c'est pas, Auxerre. À domicile, pourquoi pas, mais Strasbourg en ce moment ils sont pas trop mal. Hugo, ouais, c'est solide. Strasbourg, c'est encore une fois, c'est tout ou rien. C'est pareil, Auxerre à domicile, j'aime bien. Je vais dire match nul. Pas. Vendredi, j'ai croisé Régis Brouard. Tu te rappelles? Ah oui. Et là, il était à Rouen, avec Rouen. Match, ouais. Et on lui a serré à la Pienso. Ouais, il se rappelait pas de nous. Bah non, j'imagine 15 ans après. Toulouse, Marseille à 21h05. 11e contre le 4e. Moi, je vais mettre Marseille extérieur. Toulouse qui joue plus grand chose. Je pense que. Bon, ils ont jamais joué grand chose. Jamais, ils jouent rien de toute façon. Voilà. Moi, je mets match nul. Ouais. Toi aussi? Ouais. Bon. Oui, match nul aussi, ouais. Hugo, je te demande pas, hein. Oh, la machine à avancer, c'est parti. Ouais, bon. La machine à laver, ouais, à avancer. On va les laver. Non, là, je pense que unanime quand même. Ça va faire le travail, Lens-Metz. Ouais, Lens-Metz, c'est dimanche à 15h. Ouais. Bon, bah voilà, le deuxième contre le dernier, je pense qu'on va s'accorder dessus, je pense. J'en suis. Très bien. Allez, c'est fait. 17h15, il y a 3 matchs. Il y a Lille, Lorient d'abord. Rappelle-moi, ouais, lui, Lille, c'est 6-5. 5e, ok. Lorient, 10e, on en a parlé juste avant. Oui, voilà, c'est peut-être pour ça. Mais Lorient, je les trouve quand même pas déconnants cette année. Mais moi, et puis Lille, c'est qualifié, il y a de la fatigue. Un nul, moi. Il y a l'Europa qui arrive. C'est l'Europa, ils sont. Ouais. Contre Aston Villa. Ouais. Lille est sur 4 matchs sans défaite en championnat. Ouais. Lorient. Oui, mais c'est sans défaite, c'est pas 4 victoires. Lorient sur 3 matchs. Ils sont sur 2 victoires d'affilée, là où ils sont d'affilée. Allez, je vous écoute. Bah, Et ils jouent quand Aston Villa? Allez, mets-moi Lorient. Non. Hugo. Allez, Lille, doublé de Giroud, putain. Hugo. Ouais, je tente Lille quand même. Ouais, allez. Brest, Le Havre ensuite. Oh là là, putain. Les gars, on se fait un plateau télé là tous. 9e contre le 13e. J'annule, franchement, je sais pas là. Hein. Là, c'est. Là-bas, Brest. Essayez de souffler comme des bœufs dans les micros, s'il vous plaît. Ah, ouais, c'est moi. Mais toi, avec ton gros nez là. Je t'emmerde, hein, regarde. Ah, putain, on t'entend plus toi, c'est con. Hein. C'est con, tu finiras pas les pronos, c'est dommage. Ah, c'est pas cool. Non, Brest. Je dis Brest aussi. T'as aucun. Enfin, c'est un nul. On me dit de pas souffler. Un nul. T'as soufflé, Rémi. Et c'est vrai. Tu coupes ton micro. Ah, au revoir. Et voilà, on l'entend plus. Allez, mets-moi un nul entre souffleurs. Ah, toi aussi, ouais. Comme moi. Nice, Rennes. 15e contre 6e. Bon, moi, je vais mettre Rennes sans aucun. Moi aussi, Hugo, ça vient. Je pense contre Franck Hez, je le sens bien. Donc, vous avez dit? J'allais dire pour l'histoire et surtout Rennes qui vient de changer, donc en soi, il n'y a pas forcément de certitude encore et Nice a cruellement besoin de points. Donc Rennes pour tout le monde? Non, Nice. Nice pour Hugo et moi. Ouais. Ah ouais? Faut suivre quand même, faut suivre. Bah, je sais pas, vous épiloguez même monsieur là-bas? Nul. Ouais, pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Ça peut se faire. À la barre! Lyon Paris FC, Lyon, ouais, Lyon 3ème par FC 14. Alors le score, tu peux préciser 2-0 pour Lyon dans ma case. Bah, c'est ce qu'on va. C'est le score. C'est le dernier match. Le score. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est un point bonus, c'est le score. C'est bon. J'ai ignoré. Hugo. Le temps d'un score, ouais, un peu compliqué pour les deux points, mais 4-1, je vais dire, pour Lyon. Oh, ça peut. Jérémy. Plus de musique, c'est fini. C'est trop long. 3-1. Allez, il faut y aller. Hein. Moi, je vais mettre 3-1 pour Lyon. C'est le moment, Jérémy. 1-0. Pour Lyon, ouais. Comme souvent cette saison. Très bien, c'est noté. Bon, bah voilà, on verra. Hein. Pourquoi moi, le 1-0, il est pas sur le coup? Parce que s'il arrive, merci. Il arrive, regarde. Voilà. C'est beau, hein. Ça, c'est beau. Ça, c'est un vrai truc. Il l'a pris en photo. On a des photos. Je l'ai pris en photo. On a des photos. Je vais encore plus suivre ce week-end, du coup, maintenant que j'ai mis mes pronos. Oh, ouais, mais il y a des matchs. Surtout le Brest là. Tu vas le regarder, Hugo, le match Brest. Je veux, oui. Mais je vais tout regarder, mec. Tu vas tout regarder. Ouais, magistral. Je passe un super week-end. Mais t'as une famille, des amis, t'as quelque chose? Non. T'habites en Creuse? Presque. Hugo, c'est la 86e, c'est ça, au Bernabéu, là? Qu'est-ce que... Monsieur, t'as qu'à driver l'émission, toi aussi? Non. je voyais que... Non, tu te tais, c'est tout, c'est terminé. Et toi aussi, voilà, les deux, c'est fini, on vous entend plus. Non, 86e, le Real qui pousse à le ballon, qui est dans le camp de Retafe toujours, mais ça reste terrible, ça a failli marquer il y a quelques instants, mais non. Allez, l'agenda de la semaine, et après on se dit au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Alors en foot, on a dit, il y a plein de choses. Je vais vous couper les micros pour ça, parce que sinon ils vont être infernaux les deux. On va avoir en football, on l'a dit, il y a un peu tout. Il y a de la Coupe du Roi, il y a de la Coupe d'Italie. Il y a une journée en Angleterre, en championnat. Il va y avoir la Cup aussi ce week-end en Angleterre. Donc il y a plein de coupes, il y a plein de choses. Et puis championnat, bien sûr, le reste de l'Europe et en France, la Ligue 1, bien sûr, on l'a dit. Et l'USO se déplace au Stade Briochin, c'est ça. Vendredi à 19h30 comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Ça c'est pour le foot. C'est déjà pire. Hein. Pourquoi j'entends Omar Da Fonseca derrière? Oui, un petit peu, oui. Je suis au stade, je suis avec eux. Ah, je suis dans la cabine avec eux. En handball, ça range deux matchs cette semaine. Donc demain, 20h30, déplacement à Cournon d'Auvergne, et samedi, dimanche même, réception de Ivry, le leader, à 15h au Palais des Sports. Gros match en prévision. Ça rend peut-être repasser dans le top 3. En basket, Orléans ira à Rouen. Ça, c'est un match très important, vendredi à 20h, pour revenir à un match seulement, une victoire de Rouen en tête de la championnat Elite 2. Donc gros match en prévision. En Formule 1, c'est le début de la saison de Formule 1, du championnat du monde de Formule 1. Ce sera le dimanche, le Grand Prix d'Australie, pour lancer la saison habituelle. Et en rugby, bien sûr, c'est la cinquième journée de tournoi des Six Nations. C'est la quatrième. Ce sera donc Écosse-France, match primordial pour le titre et pour le Grand Chelem. Surtout. Évidemment. Et ce sera donc à suivre samedi, cette rencontre à 15h10. Voilà. Ce sera le match de l'équipe de France. Et puis avant ça, il y aura l'Irlande et il y aura également l'Angleterre qui jouera aussi samedi. Et puis en tennis, donc Indian Wells, c'est parti. Ton Master 1000 d'Indian Wells, c'est toute la semaine et la semaine prochaine. Voilà, et voilà, c'est déjà pas mal, il y a déjà de quoi faire avec tout ça, il y a déjà un beau programme qui nous attend. 22h54, et on est très en retard, mais c'était annoncé. Un plaisir. Et c'était un plaisir aussi, c'était annoncé. On va se quitter Est-ce que tu viens de voir ça, c'est une info qui est tombée chez nos confrères de RMC Sport, hein. Confrère. Bien sûr, c'est nos confrères. Oui, on embrasse JB Abribois. Alors vas-y, c'est quoi, avant de se quitter? Alors, même si les Bleus gagnent, parce qu'il est parti forcément le tournoi de destination, il n'y aura pas de trophée. Ah bon? Car il a tout simplement été détruit dans un accident de voiture en Irlande. Non. Mais faut en refaire un? Et ils vont en refaire un qui sera dispo en 2027. Ils vont prendre les débris restants pour le refaire. Mais ça s'est même tombé il y a quelques minutes, il n'y aura pas de trophée. C'est le trophée, le vrai trophée, c'est qui est gardé chaque année. Tout à fait, oui. Comme une Coupe du Monde qu'on donne jamais, quoi. Comme un trophée, oui. Non, mais c'est ça. Coupe du Monde, c'est une réplique. Oui, c'est la vraie Coupe, en fait. Ah oui, c'est. Ah, c'est con, ça. C'est la tuile. C'est la tuile. C'est la tuile. Allez, on se quitte sur cette info. Rétafé, donc il reste quelques secondes. Le Real Rétafé, quelques minutes. Est-ce que le Real va perdre cette rencontre? Il reste quelques minutes à suivre. On se quitte là-dessus. Jérémy, merci. Bonne merci à toi. Pour cet anniversaire, c'est 15 ans de la Rédaction du Sport. Alex, bonne première. Ça t'a plu? Merci. C'était chouette. Bon, ouais. Bah, on se retrouve la fois prochaine alors, si ça t'a plu. Et avec plaisir. Hugo, bah, nous on se retrouve la semaine prochaine. Bah oui, comme prévu, voilà. Effectivement. Bonne semaine à toutes et à tous. Ouais. Toi aussi. Bonne semaine de foot. Ouais, il y a plein de choses à suivre. Gros débrief qui se mettent en place la semaine prochaine. Yes. On se quitte avec. Faites attention à vous. Ce titre de Stardust Music Sounds Better With You. Avec l'accent, c'est beau. On se retrouve donc la semaine prochaine, 20h30. Le podcast de l'émission sera disponible ce soir ou demain soir sur le Facebook de la radio, Radio Arc-en-Ciel. D'ici là, bonne semaine à vous. Et rendez-vous lundi à 20h30. Encore une fois, bonne semaine, bonne nuit et vive le sport. Ciao les gars. Et vive la France. Vive le général. Ciao, ciao. Hugo, il est déjà parti, je crois. Ciao, Hugo. Salut. Ciao. Non, y'a. Allez, ciao, ciao. São, nesta altura, 21 horas nos Açores. Com a Antena 1 nesta transmissão global a partir de Barcelos, jornada 24, é o fecho da ronda. O Benfica vai vencendo em Barcelos, precisamente a 5 minutos do tic-tac Antena 1 do tempo de compensação. Nesta altura, Benfica vence Gil 1, Benfica 2.